Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de podcastination. Une émission spéciale parce que c'est un peu le making-of du calendrier de l'Avent, on pourrait l'appeler comme ça, où on a décidé de faire intervenir les gens qui ont écrit pour nous et avec nous, surtout parce qu'on a aussi participé avec Antoine à élaborer ce calendrier de l'Avent pour l'année 2015 sur podcastination fr.wordpress.com pour dire l'URL en entier. Alors le thème, avant de commencer, oui, avant même de parler du thème, on va d'abord présenter les gens qui sont avec nous. Donc il y a évidemment Toontoon qui est avec moi. Bonsoir Toontoon. Bonsoir. Pareil. Merci de cette présentation succincte. Voilà, mais intéressante. Tout à fait, toujours. Nous avons également avec nous Yao. Ouais, bonsoir. Salut. Qui nous accompagne habituellement. C'est ton blasé, quoi, ouais. Bon, oh, ça va. Donc qui participe avec nous bimestriel notamment, qui est consacré à la bande dessinée de façon générale. Et donc il y a également Shkao avec nous. Bonsoir Shkao. Salutations terriens. Le Kirby fanboy entre autres de l'équipe. Avec un magnifique podcast sur Kirby. Ah là là. C'est fantastique, vrai. Monologue de 3 heures. Ouais, non, enfin, c'est pas mieux. Des fois on est intervenu. Ouais. Je préfère ça que le monologue de 9h de Antoine sur, non, sur la Wii. On va pas reparler de ça. Si, mais je pense qu'il faut en parler. On a besoin de. On a besoin de vécu certaines choses, quoi. Tu vois. Alors, ne sont pas présents avec nous, malheureusement, ce soir. Alors, il y a Gallium qui n'est pas présent. Problème technique. C'est-à-dire qu'il il pouvait nous parler, mais il ne nous entendait pas. Donc, on espère que tout va bien. Ouais. Pas de Star Wars édition déspécialisée. Donc du coup voilà, pas de Chronos qui a écrit notamment le texte sur le retour à la Terre. Très bon texte sur le retour. Tout à fait, et pas non plus de Reaper, merci, qui avait participé pour nous à notamment deux textes, un sur The One Ups, un groupe de musique qui reprend du classique des musiques de jeux vidéo notamment. Et un autre sur les annales du Disque Monde qui était très très intéressant également. Et donc il était important aussi de parler de ceux qui n'étaient pas là, en même temps que de ceux qui étaient là, parce qu'ils ont participé activement à faire en sorte que ce calendrier de l'Avent sorte à peu près dans les temps. Des guerres au timing parfois un peu serré qu'on a pu avoir. Quelque chose à rajouter, Antoine? Non, tout va bien. Tout bien. Bonjour. qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors le thème de cette année, Toontoon a trouvé le thème notamment. Alors le thème est très large, donc ce qui nous permet d'intégrer pas mal d'œuvres différentes. D'ailleurs, qu'on va voir. Pas forcément œuvres, hein, juste. Oui, enfin c'est un thème général, un thème ouais. Autour de la joie de vivre, hein, parce que avec une fin d'année assez chargée, une année 2015 de façon générale. Assez morose et pas évidente pour tout le monde. Il était important de finir en beauté. De finir en beauté, tout à fait. De marquer un vrai contre-pied avec ce qui s'est passé au cours de l'année 2015. Et du coup, de bien démarrer l'année 2016. Tout à fait. Absolument. Avec des bonnes résolutions qui ne seront tenues que quelques temps. Comme d'hab. Pour changer. Très bien, bah, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, monsieur. Alors, on a décidé, du coup, de vous reparler un peu de pourquoi est-ce qu'on a choisi telle ou telle œuvre. On parlera également vite fait, hein, sur certaines œuvres des auteurs qui ne sont pas là ce soir. Et donc voilà, on va commencer. On va peut-être plutôt utiliser suivre un ordre chronologique, si tu vois pas l'inconvénient, Toontoon. Non, tout va bien. Tout va bien. Donc d'ailleurs, tu vas pouvoir commencer. Oh merde, on est parti pour un monologue. Non mais là c'est parti. Ouais, non mais Kevin, non mais alors non, parce que ce sont des choses qu'on a déjà évoquées auparavant dans d'autres émissions, je pense notamment au premier pour commencer, un océan d'amour. Voilà, un océan d'amour des éditions Delcourt, une super BD dessinée par Grégory Panaccione et scénarisée par Wilfried Lupano. L'ultra prolifique Wilfried Lupano. Et voilà, j'ai voulu commencer par un océan d'amour parce que bah c'est cool. c'est cool, c'est enfin le titre parle de lui-même, quoi, c'est un océan d'amour. Ça raconte l'histoire d'un pêcheur qui se fait embarquer malgré lui un matin par un paquebot et qui traverse l'Atlantique. Et sa femme, sa bigoudaine de femme, s'inquiète et du coup part à sa recherche et part dans des péripéties incroyables pour essayer de se retrouver. Et c'est d'abord, c'est très très joli et c'est dessiné merveilleusement. Bien par Grégory Panacione et puis en plus ça c'est ultra fluide à lire, c'est une très belle histoire. C'est surtout qu'il y a pas de texte. Voilà, c'est entièrement muet mais c'est très expressif et on comprend tout ce qui se passe de façon très claire et puis voilà, c'est une superbe histoire et ça se finit bien forcément. Et du coup, c'est une belle histoire, je pense, pour commencer ce calendrier de l'Avent. Tout à fait, pour commencer sur ce thème. Il y en a d'autres qui l'ont vu par ici ou pas ? Non, mais je vois les images quand même, ça fait un peu Triplette de Belleville sur oui, le bord. C'est vrai. Oui, il y a un peu de ça, surtout dans les couleurs. Ouais. Dans le choix des couleurs. Le côté un peu sépia. Ouais. Moi, j'ai feuilleté, mais j'ai pas vu. Oui, c'est chez Delcourt, hein, tu as forcément de feuilleté. Oui. Moi, je rejoins TKO. HKO, désolé. Je vais faire la blague, c'est pas grave. Et bon, donc, non, mais ouais, ça fait très triplette, le dessin. Donc, Ouais, en plus dilué. Il y a un côté, enfin, ce que j'aime beaucoup dans le dessin de Panacione, c'est qu'il y a. Ouais, il y a un côté très peinture à l'huile un peu. C'est muet ou ça parle, non, ça parle. Comment? Ça parle ou c'est muet? Non, c'est muet, c'est entièrement muet. Ah, comme Gone en fait. Comme Gone, mais en totalement différent. Oui, bien sûr, mais sur la forme, on va dire. La plupart de ses bouquins, en général, ouais, j'ai l'impression ouais, que ouais, c'est ouais. Ça. Sauf un ou deux. Il avait fait Match, qui était muet. Et le chien aussi. Ouais, Match qui était assez fou, parce que ça racontait un match de tennis. Ouais, il est énorme, donc, ce bouquin. C'est complètement fou. Et là, il a sorti une BD il n'y a pas longtemps. Qui ne dit mot, scénarisé par Stéphane De Groot, donc l'humoriste. Là pour le coup, ça parle. Ça parle, puisque forcément Stéphane De Groot joue énormément avec les mots et du coup c'est aussi basé là-dessus. Et du coup c'est très très drôle. Moi j'aime beaucoup et il dessine toujours très bien dedans. Donc. T'es un fan assidu. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Yep. On va passer tout de suite à la deuxième entrée, c'était que tu as choisi Toon, c'est Mon Voisin Totoro. Ah ouais. Avec des bien. Classiques de chez Ghibli. Ghibli, ouais, c'est bah Ghibli. Voilà, il fait faire mon rôle, mais c'est Ghibli. Mais... en fait, tu m'as compris. Moi, hein. J'aime bien dire Ghibli. Non, mais c'est à la base des, un mot italien, donc c'est l'italienne Ghibli. Bref, désolé. Non, mais y a pas de mal. On va te prendre en muet et puis ouais. On va te couper le son. Et donc pourquoi tu choisis Mon Voisin Totoro? Parce que forcément il fallait un film du studio Ghibli. L'enfuir. et il fallait un de leurs films parce que forcément bah voilà, parmi tout ce qu'ils ont fait, c'est la joie de vivre. C'est un peu toujours un petit peu présent en fil rouge. Enfin, la joie de vivre, façon de parler, mais il y a un côté un peu heureux dans ce qu'ils font. Pas toujours, hein, parce qu'il y a des films, notamment celui qui est associé à Mon Voisin Totoro. Oui, Le Tombeau des Lucioles, c'est pas tout à fait le cas. Mais Totoro, il y a un petit côté triste quand même. Oui. Non, en fait, c'est. Moi ce que j'aime bien dans ce film, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que effectivement il y a le contexte de départ qui est relativement dur, puisque c'est le déménagement des deux héroïnes, Mei et Satsuki, donc qui leur fait un gros changement, et surtout leur mère qui est hospitalisée. Et en fait, d'abord par le biais de Mei et ensuite par le biais de Satsuki. Ça laisse place à un onirisme, à un espèce de, enfin, on laisse place à l'imaginaire, pour, pas oublier pas oublier les moments difficiles, mais pour s'aider justement à les surmonter. Et c'est pas il y a un petit côté triste, mais il y a un côté on remonte le truc aussi, on se réconforte comme on peut. Avec Totoro c'est mieux, parce que c'est quand même une grosse boule de poils qu'on aimerait tous avoir comme voisin. Oui, c'est clair. Et du coup, voilà, ce film est fantastique. Il y a des scènes incroyables, ouais. Notamment la fameuse scène de l'arrêt de bus. Ouais. Et du coup, voilà, c'est très très cool. Moi, j'ai découvert cette année, en tout cas. C'est vrai. Ouais, ça va vous faire découvrir avec mon fils, en fait. Ouais, tu l'as fait découvrir à ton fils. Non, j'ai découvert avec mon fils, en fait, parce que. Je crois que je me suis endormi la première fois que j'ai essayé de le voir. Oh merde. Et ouais, du coup, non, c'est agréablement surpris. Du coup, j'ai rattrapé mon retard et ça a super bien vieilli. Ouais. Bah, comme d'hab avec les Ghibli. Enfin, pas tous, mais celui-là, ouais. Ouais. Mais ouais, il est super beau. Et Totoro. Et ton fils, il a trouvé ça comment? Bah, comme tous les enfants. Oh, you, Totoro. Je veux Totoro. Voilà, quoi. Et une chabuse, surtout. Ah oui, ouais, forcément. Forcément. Oui, bien sûr. Très bien, on va passer au troisième, au 3 décembre avec la sélection que j'avais. Oui, pardon, excuse-moi. C'est que comme d'habitude avec les Ghibli, merci. C'est que ça coupe, mais super net en fait. C'est-à-dire, c'est la fin, voilà, fini. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, c'est. Et d'ailleurs, c'est vous l'avez découvert genre à l'époque ou plus tard aussi? Ah non, plus c'était... tard. Quand ils sont sortis en DVD en France. Ouais, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 7-8 ans, un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait connu une sortie au cinéma. Si, je sais si. Il était sorti, je veux dire, pas la première sortie en fait. Non, mais c'est un des premiers à être sorti après Chihiro, je crois, parce que. D'accord. Il me semble que c'est Chihiro le premier à être sorti. Le premier, non, c'est Mononoke. Mononoke, oui. Et même exact. Pour Corosso, si on. Ouais, pour Corosso, t'as raison, d'ailleurs. Oui, mais oui, c'était en festival. Ouais, comme je voulais dire à l'époque, c'était genre plus. Comme il dit, il est jamais sorti à l'époque, mais. Non, mais festival, il est ressorti après. Il y avait quand même une copie française qui existait. Je crois que c'est après les années 2000 qu'il a été diffusé la première fois officiellement en France. Ouais. Je veux pas dire une bêtise, mais c'est assez tard. Hein. C'est possible. C'est tout? C'est tout? Mais bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tout à fait. Je vais parler, du coup, moi, de ce que j'avais choisi le 3 décembre avec Okamiden. Qui l'a fait autour de... Enfin, moi, j'ai commencé, ça m'a saoulé. Parce que moi, je reste... tu me diras d'ailleurs... Ouais, vas-y, tu me diras. Vas-y, je t'écoute. Alors, Okamiden, c'est... Vends-le-moi. C'est ça. Okamiden, en fait, c'est la suite d'un... Donc, c'est un jeu qui est sorti sur DS. C'est la suite d'un jeu qui était sorti sur PS2. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que je pense là. Un jeu, un monument, tu veux dire. Oui, enfin, c'est compris. Camilla, quoi. Oui, enfin, oui. Au-delà de ça, c'est un jeu qui a un style graphique qui est magnifique en cel-shading, avec un système de jeu très sympa et... C'est un Zelda-like, mais en fait on rentre complètement dans ce monde, dans un monde onirique avec Okamiden. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le système de combat avec le système de freeze de l'écran où tu peux dessiner avec le pinceau céleste pour faire l'action de couper, de souffler, de brûler, de créer une bombe, etc. Et je trouvais ça vraiment vraiment vraiment génial comme idée, quoi. Et finalement le faire sur DS, ça permet aussi de tester le principe avec le stylet. Ouais. Alors c'était vraiment réussi, c'était très précis. Moi, il y a juste une séquence où ça m'a saoulé parce qu'il y avait une espèce de QTE à faire à base de stylet, comme j'avais un écran qui était un petit peu rayé, ben forcément des fois ça chie dans la colle, quoi. Et toi, t'avais fait le pro? T'avais fait le premier sur PS2 ou pas? Ouais, alors j'ai... Et au final J'ai fait le premier, ouais. C'est celui qui m'a donné envie de prendre le Okamiden. En général, c'est un peu le bâtard de la famille. Enfin, vu que c'est pas fait par Camilla lui-même. Alors oui, alors en plus il est sorti, il est sorti en France, mais il est sorti en anglais. Ouais, ou déjà d'une, et en plus, genre, les gens réclamaient. C'était qui? Ouais, c'était Inaba qui Non, c'est pas Inaba. Non. Je crois que c'est Capcom, mais c'est pas. Je crois que c'est les mecs qui ont fait la conversion de l'épisode Wii, de l'épisode d'Okemi sur Wii. Non, sur Wii, c'est Ready at Dawn. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est Ready at Dawn. Et effectivement, ouais, ça doit être Capcom qui. Ouais, c'est Capcom, mais c'est pas l'équipe de base en fait. Non, à l'époque, ils étaient déjà Platinum. C'était plus Clover. Hein. Bah, c'était Clover ou pas d'ailleurs ? Je crois que c'était Clover. Le premier c'était Clover. Ouais, le premier c'était Clover. Mais pas. Mais là, c'est pas Clover, c'est vraiment des gars de chez Capcom. Mm. Et je disais ça parce que tout le monde disait ouais, on veut la suite de Camille. Et au final, j'ai l'impression que celui-là il a bidé encore plus. Ah bah oui. Bah, le problème c'est qu'il est sorti sur DS à l'époque où je crois que la 3DS était sortie ou presque. Ouais, c'était sur la fin de vie de la console. C'est exactement ça, donc forcément, bah, ça joue aussi beaucoup. Le fait qu'il était en anglais, le fait que, bah, il a pas non plus été vendu il avait pas non dû être pressé à beaucoup d'exemplaires. Le premier a pas eu un succès, Succès d'estime, mais pas un succès, Il a bidé, hein. C'est un peu le problème, quoi, parce que c'est un. Vous avez pas parlé du truc le plus fou sur ce jeu, la direction artistique. Ah mais j'ai dit que le dessin était magnifique. C'est un peu estampe Jap. C'est ça. La séquence en fait, parce que donc le jeu se passe sur le Nippon. Donc en gros c'est la carte du jeu, c'est le Japon, quoi. Et chaque zone en fait, on doit le libérer des ténèbres. Et donc à chaque fois qu'on libère un arbre, une espèce d'arbre de vie, ça enchaîne une cinématique qui permet de faire découvrir au joueur une nouvelle zone. Et qui est juste, c'est juste un effet, une vidéo, une cinématique qui est à chaque fois magnifique à regarder, quoi. Parce qu'il y a, il y a un vrai travail sur les couleurs, sur la lumière, sur le, bah, notamment le cel shading qui est très très joli, qui est très très bien rendu, un peu, alors, encore plus différent, un peu différent de, on va dire, dans l'esprit de Wind Waker, mais, Il y a un côté un peu plus papier. Ouais, alors ça Oui, c'est un peu. Oui, t'as raison. Ça fait un peu découpé. Enfin, j'ai l'impression que. C'est pas propre, en fait. C'est inégal et c'est ce qui fait le charme. Avec un espèce de grain, en fait. Tout à fait, ouais. Vas-y, c'est bon. Chose qui est visible aussi, notamment pendant les combats où. En gros, le système de combat, c'est que. Amaterasu, la déesse que l'on joue à ce qu'on appelle le pinceau céleste, et en fait elle peut friser le temps et affaiblir les ennemis comme ça, quoi, en utilisant différents coups de qui sont présents dans sa palette de coups, justement. Et par contre, la différence, c'est que là c'est il est en chibi, en SD. Il est en SD. Dans le premier, c'était vraiment un loup, quoi. Enfin, Oui, bah, après faut la différence déjà, c'est qu'on on n'est pas sur le même support, donc faut aussi s'adapter au support. Ouais, c'est ça qui m'a question. Forcément pas déçu. J'ai l'impression que ça fait un peu bouilli de pixels par moment. C'est mon impression. Ouais, oui, non, mais après c'est quand même bien. Pour la DS, c'est quand même super. Tu vas nous les énerver, là. Mais non, mais c'est que moi, je suis un ultra fan du premier. Tu vois, je kiffe. C'est un de mes jeux préférés. Mais c'est pas une vraie suite, en fait. C'est vraiment un style de jeu différent, parce que c'est même, à la limite, parce que tu t'aides, en fait, à, comment dire, au chibi... la version chibi d'Amaterasu, en fait, t'as toujours un coéquipier avec lui. Un petit garçon, un personnage qui va l'aider, notamment, à résoudre certains puzzles. Donc c'est un peu aussi le changement qu'on peut avoir par rapport à l'épisode de PS2. Et puis il fallait aussi on n'est pas du tout sur la même quantité de mémoire entre les deux consoles, c'était obligé de faire des zones assez petites, et ils ont quand même plutôt bien retranscrit le monde en général sur DS, même si évidemment la différence graphique est visible, et heureusement d'ailleurs. Il faudrait que je termine, mais du coup par rapport au premier, donc du coup c'est une suite, c'est un spin-off. C'est une suite, en fait, ça se passe quelques mois après. Ça se passe quelques mois après, ouais, tout à fait. Et tu l'as fait, toi, HKO ? Non, du tout, et justement je me posais la question, est-ce que le début est moins poussif que dans Okami, premier du nom, quoi ? Ah ouais, c'est vrai. Ah non, le début c'était horrible. Ouais, non, c'est un peu dans le même esprit, quoi. T'as toujours un peu ce petit côté, ce petit miaulement quand il parle, qui pouvait être aussi assez relou dans Okami. Mais bon, après, c'est voilà, une fois qu'on est rentré dedans, ça se fait très bien, quoi. D'accord. Le fait de gérer ça au stylet, c'est quand même cool. Ouais, ça va être mieux, ouais. C'est plutôt, c'est raccord avec. avec l'esprit du jeu, quoi. Donc voilà. Quelque chose à rajouter, messieurs? Non, que la version du premier est ressortie sur PS3 en HD. Oui, tout à fait. Il est sorti sur Wii aussi. Non, sur PS3 en HD, c'est pourquoi je dis ça, parce que sur Wii... Sur Wii, la maniabilité, elle est pourrie. Non, oui, il y a ça, et la fin était tronquée, ils ont viré les noms de... Ils ont viré le générique de Clover. Ouais. Tout ça, ou ah, il y a même pire que ça, c'est qu'ils ont... Les captures d'écran ont été récupérées sur IGN. Que tu vois les captures d'écran et derrière tu vois le petit logo IGN. Oui, la jaquette, ouais. Sur la jaquette. Donc les mecs ont fait le boulot vraiment comme des sales. Bon, de toute façon, après ils ont fait The Order, hein. On voit ce que ça a donné. Hein. Donc. Là pour la jaquette, je pense que c'est plutôt du côté. C'est pas eux qui se sont occupés. Tu vas parler de Yotsuba, Antoine, pour la 4e, pour le 4 décembre. Hein. Ouais, évidemment, forcément. Je vais réussir à l'acheter grâce à toi, enfin. C'était une VRP de cette série. C'est en fait chaque personne qui l'a lu est forcément le VRP de cette série. Que tu le recommandes à tout le monde. Je l'ai fait lire à ma mère il y a pas longtemps, donc c'est un peu un accomplissement pour moi. quand j'ai pensé au thème du calendrier de cette année. Direct, je crois le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Yotsuba. Et quand j'en ai parlé à Romain, le premier truc qui me dit, c'est Yotsuba. Évidemment. Donc voilà, Yotsuba remettre un peu dans le contexte. C'est un peu. Vas-y. Ouais. Vas-y, pardon. Non, mais pour faire une comparaison, c'est un peu le petit Nicolas version japonaise, même si. Rien c'est... à voir. Quoi ? Rien à voir. Non, mais dans l'esprit, si tu veux, le côté des découvertes du monde. Et on est fâché là. Mais non, mais. Non, mais j'adore le petit Nicolas, mais. mais le petit Nicolas, c'est. C'est en fait les. Enfin, c'est les bêtises, c'est entre copains, machin. C'est un petit peu plus âgé, quoi. Là, Yotsuba, c'est vraiment l'enfant qui découvre tout et du coup qui est émerveillé de tout. Qui a peur de plein de trucs qui sont ridicules. Et en fait, je crois que chez Kurokawa, il est classé en seinen. Ah ouais? Ouais, et en fait, c'est logique parce qu'un enfant qui va lire ce manga, je pense qu'il va pas comprendre. Ah d'accord. Okay. Alors qu'avec un regard d'adulte, tu t'amuses des réactions de Yotsuba qui sont adorables et voilà, et en plus forcément ça va te rappeler des enfants autour de toi voilà et je trouve le talent de dessinateur de dessinatrice de l'auteur et de la façon dont elle a de rendre les mimiques de Yotsuba, c'est incroyable. À chaque fois soit tu trouves ça trop mignon, soit t'es mort derrière. Excuse-moi, t'as dit c'est un mangaka ou une mangaka? Il me semble que c'est une mangaka. Ah, non, c'est un. C'est un? Ouais. Voilà, donc je dis n'importe quoi. C'est un calvaire RP de merde. Ouais, mais on s'en fout parce que l'important c'est de dire que Yotsuba, il faut l'acheter, il faut le lire, et c'est incroyable. Il est pas dur à trouver d'ailleurs. Non, ils ont refait des rééditions. C'était dur de le trouver au début. Ils ont refait des rééditions à partir de 2013, je crois. D'accord. Et maintenant, c'est relativement facile à trouver. Ok. Et il y a combien de tomes, du coup? C'est en cours? Ouais, 13 tomes, actuellement. Et il y en a à peu près un tous les un an et demi. Ah ouais, il prend son temps. Ouais, mais tu peux les relire, c'est pas grave. Et puis il y a Cartox. On n'a pas parlé de Cartox, mais c'est la boîte. Cartox, c'est le robot en carton. Et le fameux Danboard qu'on trouve maintenant à peu près Amazon, partout. Et, ouais, sur Amazon. Ah, alors, ça a été repris par Amazon. Ça vient de ça, en fait, c'est ça. Ça vient de ça, en fait. C'est un personnage qui se déguise en robot pour Halloween. Et du coup, Yotsuba, au début, a peur de... Parce qu'elle pense que c'est un vrai robot, forcément. Et elle a peur du robot, et après... Après, elle devient un peu pote avec lui et tout, donc c'est cool. Et du coup, ça marche bien Enfin, non, je sais pas ce que c'est. La question, c'est plutôt, est-ce que ce sont des scénettes ou c'est une histoire continue? C'est des chapitres. Alors, chaque chapitre raconte un truc en particulier. Souvent, bah, c'est soit une histoire dans la maison avec son père, parce que son père, en fait, il est traducteur. Et il se balade tout le temps en caleçon chez lui. Il fait pas grand chose. Mais il rentre toujours dans le jeu de sa fille. Et à chaque fois, bah, c'est adorable parce que, parce qu'il arrive à la faire marcher et en fait, elle marche pas avec quoi. Et c'est super mignon à voir. Ou alors, elle va chez ses voisines. Donc, en fait, ses voisins, c'est un couple avec trois ou quatre enfants, je sais plus. Et à chaque fois, bah, elle va voir ses voisines et puis elle joue avec elles ou elle leur fait découvrir des trucs, etc. Et après, il y a des passages un peu plus longs où tu as toujours un chapitre qui raconte un événement en particulier. Mais ça va se dérouler, par exemple, il y a un tome où, où ils vont aller faire du camping et ça va durer sur plusieurs chapitres. Et du coup, t'as un peu des thèmes comme ça par tome. Et voilà, mais c'est vraiment du one shot, quoi. C'est un chapitre et t'as très peu de. T'as pas de cliffhanger, quoi. Et toi, t'es pas. Vu que t'es à fond, t'es pas. Comment dire, vu que c'est tous les ans, t'es. Ah, je les mets où? Non, parce que. T'es pas frustré, voilà, d'attendre à Non, chaque fois. parce que. Bah, évidemment, on aimerait en lire plus, mais je me dis que. Enfin, vu la beauté du dessin. Enfin, la beauté. Le réalisme des décors, etc. Et puis, faut trouver les situations et tout à chaque fois. Je préfère que l'auteur prenne son temps et avoir un tome de super qualité plutôt qu'un truc hyper régulier. Où bah, un chapitre sur deux, ça va pas m'intéresser quoi. Parce que là, l'avantage, c'est qu'il arrive quand même régulièrement à se renouveler et à trouver de nouvelles choses et toujours à nous émerveiller à chaque fois qu'on voit la tête de Yotsuba quoi. À chaque fois, je me dis, il faut que j'achète. À chaque fois, je vois en magasin, je dis, il faut que j'achète et je le fais pas. Mais évidemment, en plus, il y a que 13 tomes. C'est rien, 13 tomes. Pour l'instant, il y a 12 tomes, le 13e va sortir l'année prochaine. Oui, je prends un peu d'avance. Vous l'avez lu, vous? Romain, tu l'as lu, toi, non? Ah, j'ai lu, j'ai les 12 premiers à la maison. C'est lu et relu sans problème. D'accord. Et Shkao, non? Bah moi, j'avais lu il y a 10 ou 11 ans, je crois, en scan, quand c'était même pas en France à l'époque. J'avais Ouais. trouvé ça sympa parce que c'était du même auteur que Azumanga Daioh, Ouais. si j'ai pas n'importe quoi. Qui Et est Azumanga Daioh, extraordinaire. je kiffais avec, avec mes fesses, quoi. Ok. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très marrant. Ouais. Azumanga Daioh, en fait, c'était. C'est. Romain, est-ce que tu peux recracher ton micro, s'il te plaît? C'est fait. C'est clair. Je sais plus. Oui, Azumanga Daioh, c'était son manga précédent. Mais c'était des Yonkoma, donc c'est les Ah, BD c'est mortel, quand même. en 4 cases. Et ils avaient fait une adaptation animée que je trouve c'est une des meilleures adaptations de tous les temps. Et avec un générique complètement fou. Ah, Et mais je ouais. lisais sur un forum, genre, c'est un des meilleurs mangas de tous les temps, ou de l'anime de tous les temps, carrément, ce que vous dites, Azumanga Daioh. Ah, je sais, c'est pas un des meilleurs mangas de tous Enfin, je les veux temps, dire, mais dans en le tout cas, délire, c'est je veux dire, par au rapport au niveau délire, ça, Yonkoma, c'était c'est. un truc de ouf. Ah Hein? merde, je connaissais pas, du coup, vous m'avez donné envie, parce que Ah je ouais, non, kiffe les Yonkoma et c'est c'est super drôle. délire. Il y a une galerie de personnages, notamment deux, une petite fille, parce qu'en fait ça se passe dans un lycée. C'est pareil que Kim Engumi ou pas du tout? Du coup, tu sais, Kim Engumi High School, collège foufoufou. Je connais pas. Non, rien à voir. Rien à voir. Enfin, Shikao, tu connais pas les de mes collèges foufoufou? Ah si, souvenirs. si, le collège. Oui, excuse-moi, je connaissais Les pas le gars. nom japonais, ouais. Oui, tout à fait. C'est pas pareil du tout, non, c'est D'accord. beaucoup moins. Comment dire. Surexcité. C'est très naïf. Ouais, c'est très naïf, exactement. Et ouais, comme tu dis, il y a deux personnages. Il y a Chio, la toute petite, Ouais. qui Et donc est une Ozaki. génie. Ouais. Et par contre, regarde son âme d'enfant qui est très naïve. Et il y a Osaka, enfin, c'est son surnom, ça, Osaka, qui, Qui comment est dire? lunaire. Mais ouais, elle est pas sur ce plan d'existence, en fait, je crois. Ils sont fabuleux. Tous les personnages sont fabuleux, de toute façon. Ouais. Et les profs aussi, parce qu'en fait, ça se passe dans un Oui. lycée. Et du coup, c'est plein de filles entre elles. Là, Shio, notamment, qui a sauté 4 classes, un truc comme ça. Un truc utile, ouais. Du coup, voilà, il y a un décalage complet. Et Osaka, voilà, elle est complètement à l'ouest. Il y a de la surexcité qui est tout le temps à bloc. T'en as, enfin, ouais, les profs. Il y a une prof d'anglais qui est complètement tarée. Et voilà, enfin, c'est vraiment très très drôle. Et du coup, conseiller l'anime, ça se. L'anime se regarde très bien, c'est des épisodes courts de 5 minutes, je crois. Non, c'est 20 minutes, mais c'est une. C'est une compilation de plusieurs gags. Ouais. Donc, il y a certains qui sont un peu étirés sur la longueur, ouais. Voire beaucoup. Mais sinon, oui, ça se regarde très bien, sans souci, quoi. Et donc, le manga est sorti en France, c'est ça? Oui, c'est le 4 tomes chez Kurokawa aussi. D'accord. Okay. À noter tout ça. On a beaucoup dérivé du sujet, je crois, mais. Ouais, c'est important, ouais, important. Mais... C'est, voilà. Ouais. C'est, ben, Azumanga Daio, typiquement, ça aurait pu se retrouver dans la sélection, dans le calendrier de l'avant. Ah oui, c'est sûr. On va passer au 5. Je vais parler rapidement du seul bouquin, je pense, même de la. Non, il y a les annales aussi. Oui, tout à fait. De la sélection, donc c'est Fantasia chez les Ploucs. C'est pas forcément très connu. C'est écrit par Charles Williams. C'est sorti en 56. Alors c'est un bouquin comme ça qui paye pas de mine, mais qui est très très drôle en fait parce que. Alors ça commence en fait quand un père et son fils qui sont donc c'est l'époque de la prohibition d'ailleurs, faut d'abord commencer par ça aux États-Unis, donc c'est un père et son fils en fait qui sont parieurs en fait sur les hippodromes, mais bon comme c'est une activité qui est pas forcément très légale et comme il est avec son fils il est pas très âgé donc il se fait souvent arrêter par rapport à ça et donc il décide d'aller prendre l'air chez son frère dans la campagne profonde américaine pour passer un été tranquillou au calme, sauf que son frère il fait de l'alcool frelaté et il est très futé, donc il sait très bien comment éviter de se faire gauler par la police, et on va dire toute l'histoire commence comme ça. Et la chose qui est très très drôle et très intéressante, c'est que l'histoire est racontée du point de vue du petit garçon, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont pas dévoilés donc que le petit garçon peut pas nous dire, mais qu'on peut comprendre derrière aussi par rapport à ce que vont faire les deux frangins pour essayer de se faire un peu d'argent comme ça quoi, avec ce fameux alcool frelaté. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer en ligne de jeu en plus, donc ça renforce un peu le côté on va pas dire film choral parce que livre choral parce que c'est pas du tout ça, mais une intrigue qui va se densifier avec des personnages en plus, mais c'est vraiment très drôle. C'est un peu dans l'esprit j'ai envie de dire Tom Sawyer, d'accord. On pourrait voir le côté avec le Bayou, tout ça, qui est très très très intéressant. Alors ça date de 56, mais c'est toujours aussi bien aujourd'hui, hein, parce qu'il y a le petit garçon parle dans une espèce de patois assez drôle, mais qui reste tout à fait compréhensible pour une personne, pour toute personne qui lira le bouquin, quoi. Donc c'est ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que lui, il fait beaucoup dans cet auteur-là. Alors il a été pas mal édité en France, chez Folio notamment, mais il écrit beaucoup de policiers, alors que celui-là est pas forcément policier dans l'âme. Le bouquin, c'est pas du tout dans cet esprit-là, quoi, par rapport à d'autres livres qu'il avait pu faire comme le La Mare aux Diams ou d'autres encore. Ça se lit très rapidement, hein. C'est quelques, ça doit faire 200-240 pages, mais je vous conseille vraiment, c'est un petit bijou et c'est un petit moment de bonheur à lire quand on ne sait pas quoi lire. D'accord. Voilà, messieurs. Le titre français comme le titre original défonce, hein, quand même. Alors, faut savoir qu'une adaptation au cinéma a été, une adaptation au film, une adaptation française plutôt, a été faite avec Lino Ventura, et qu'à la réalisation on retrouvait Gérard Pires, connu notamment pour la série des Taxis plus tard. Ah ouais. Donc je sais pas du tout ce que ça donne, je veux pas savoir ce que ça donne. Parce qu'il y a non, c'est la production. Série petit, non? Comment? Ça met une assiette Non, mais c'est assez marrant. Je serais tenté de le voir par curiosité, mais je suis assez étonné de voir qu'il n'y a pas eu d'adaptation américaine, mais qu'il y a une adaptation française avec des acteurs assez connus. Et voilà. Des choses, messieurs, à rajouter par rapport à ça? Non, tu m'as donné très envie de le lire. Je te l'apporterai la prochaine fois. Parce que je l'ai passé à ma collègue, donc voilà, enfin bref, même histoire. Bah, tu vas parler, tu vas continuer à parler, Antoine, avec Summertime. oui, Summertime. Première musique du calendrier. Beaucoup de musique, parce que voilà, en fait, Summertime, c'est à la base une chanson sous forme de comptine qui apparaît dans un opéra en 1935, Porgy and Bess, et qui, au fur et à mesure, a été repris par de très grandes stars du jazz. Comme Sam Cooke, comme Billie Holiday, voilà, beaucoup de très grands chanteurs et de très grands musiciens. Et en fait, c'est devenu un peu un classique. Et depuis, chaque musicien, chaque chanteur de jazz et maintenant de la pop et du rock et d'un peu tous les styles finissent par reprendre. Et moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que ouais, c'est une petite comptine très simple, mais qui dit en gros, c'est une nourrice qui dit ça à l'enfant qu'elle garde. Le début, donc c'est Summertime and the living is easy. Donc la vie est simple, les poissons sautent et le coton est haut. Et du coup, direct, on se sent dans les champs avec la chaleur du soleil et tout. J'aime beaucoup cette ambiance et ce que ça dit en fait. Et il y a eu beaucoup de reprises de jazz. Il y a eu une reprise aussi que j'aime tout particulièrement. Qui est une reprise d'un rappeur français, mais en version reggae. Et je trouve que ça fonctionne à merveille de cette façon-là. Après, il y a les versions les plus connues, on va dire, et notamment celle de Janis Joplin, qui est certainement la plus celle qu'on considère comme la plus réussie. Elle l'a chantée à Woodstock, elle l'a chantée. C'était la dernière chanson qu'elle a chantée sur scène avant de mourir d'ailleurs. Et il y a eu d'autres versions, notamment une de Ella Fitzgerald avec Louis Armstrong qui est incroyable. Et du coup, voilà, moi j'écoute régulièrement différentes versions. Et j'adore cette chanson et je trouvais qu'elle allait bien dans le thème du calendrier parce que. C'est une chanson, donc notamment celle que je disais, donc d'ALPHA, qui est un rappeur français, mais du coup qui l'a fait en version reggae et qui est très douce et très ensoleillée. J'aime beaucoup l'écouter et voilà, c'est une chanson qui m'apaise un peu, donc que je trouve cool. Oui. Très bien. Alors du coup, j'ai quelque chose à rajouter, messieurs, par rapport à ça ? C'est ok. On n'aurait pas de se passer la parole entre. Non, mais ça va venir. Ça va venir bientôt pour Shkao notamment. Moi, je vais vous parler rapidement de La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un film de et avec Ben Stiller au générique. C'est assez paradoxal parce que j'en parle dedans, mais je l'ai regardé après avoir écrit l'article. J'ai revu tout à fait. Et ce qui est marrant dans ce film-là, alors ce qui est marrant et ce qui peut être un gros défaut aussi, c'est qu'il est vraiment partagé en deux parties. Alors pour vous raconter l'histoire rapidement, c'est donc Ben Stiller qui joue le rôle d'une personne qui s'occupe du service photographie au magazine Time. Et Magazine Time va vivre un des fameux chamboulements de la presse qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'il va arrêter sa version papier pour se consacrer à la version numérique. Et donc il y a un photographe qui est assez connu et qui renvoie en fait un jeu de négatif, qui lui adresse un jeu négatif. Et il en manque un en fait. Et c'est le fameux négatif manquant qui doit faire la une du magazine. Donc Walter Mitty, c'est un gars qui est un peu qui a sa vie rangée, voilà, qui est très très cartésien dans son fonctionnement et qui va se retrouver d'un coup d'un seul à traverser le monde pour retrouver le photographe freelance pour lui dire où est ce fameux négatif quoi. Donc toute la première partie, alors en plus c'est un personnage qui est très qui est souvent dans ces dans la lune. Donc ça fait une première partie qui peut être assez assez bizarre au niveau du rythme. Parce qu'il va se, voyez, il va se faire des, il va rêver éveillé, quoi, on va dire. Et c'est vraiment quand il commence à partir à l'étranger que ça devient intéressant, parce qu'il va traverser le Groenland, l'Islande, il va aller aussi, il va passer par le Yémen, il va aller en Afghanistan, etc. C'est assez intéressant, c'est une vraie ode au voyage, parce que ça donne envie de voyager quand on voit les images de. Les images de l'Islande, pardon, qui sont quand même magnifiques. C'est vraiment ce qui donne envie de partir loin par moment, parce que c'est toujours chouette, quoi. Et puis une façon de filmer qui est pas très originale en soi, mais voilà, il y a des plans qui sont vraiment sympas, des plans choisis qui sont vraiment sympas, quoi. Même si au final l'histoire est plus je le vois, plus je lui trouve des défauts, mais plus je trouverai toujours cette partie voyage forte dans le film, et c'est toujours ça qui me fera aimer le film. Et du coup, moi quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait penser à du Forrest Gump, un peu. C'est un peu ça, mais c'est pas du tout, c'est pas autant développé que Forrest Gump, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est très rangé dans sa vie, qui a une. Forrest Gump, il va partir, il va faire plein de choses à la fois, il va vraiment vivre l'histoire des États-Unis moderne. Ce que j'ai compris, moderne. Ce que je voyais, c'est genre un mec, comme tu dis, serait rangé, mais qui va pas péter les plombs, mais qui va genre voyager pour se libérer, je sais pas. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu cet esprit-là, ouais. Du coup, c'est comédie dramatique ou c'est plus drame, ou c'est plus vu que Ben Stiller, on le connaît surtout pour un. C'est une comédie. C'est une comédie, je sais pas si on peut dire une comédie, en fait, c'est un film qui a pas forcément un genre en particulier, qui est un peu le cul entre deux chaises. Genre un Truman Show. Pas pareil. Ouais, alors, ce que vous voulez dire dramatique, ou une comédie dramatique, même si ça veut rien dire, quoi. Ça veut dire que c'est pas tout le temps drôle. Oui, enfin voilà, mais bon, ou c'est pas tout le temps triste. Moi, il m'intrigue, ce film, j'avais vu d'avance, ça m'intriguait, et ça avait l'air très graphique et très stylisé par moments. Ah ouais, moi, j'avais rien vu. Alors, c'est exactement ça, ouais. Il y a une vraie approche à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont toujours, ça peut être souvent cadré large, en plus, donc on ressent un peu toujours une même manie de faire ça. Mais il y a une intégration de choses faites par ordinateur qui sont très présentes par le biais de messages, de mots qui apparaissent dans le décor, des étourneaux qui vont créer le visage d'un personnage du film, voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Alors moi je croyais que c'était Ben Stiller, je crois que c'était son premier film, en fait non, parce qu'il y avait Tonnerre sous, il y avait, oui, voilà, avec Tonnerre sous les tropiques. Même avec Jim Carrey, il avait fait le Cable Guy, comment ça s'appelait en français, Disjoncté, je crois, un truc comme ah ça. Oui, d'accord. Ouais, Disjoncté. Ouais. Il était mort. Enfin, moi, j'avais bien aimé à l'époque ce film. Mais... Et c'est pas lui, Zoolander? C'est pas lui qui réalise? Je suis pas sûr. Hein. Ah, c'est possible. Qui réalise, si, il me semble. C'est bien possible. Mais après, je dis souvent des bêtises, donc... Moi, ce qui m'avait marqué, c'était son premier film avec avec Jim Carrey. Et surtout Tropique Sous... Tempête sous les tropiques. Tonnerre sous les tropiques. Oui, mortel. Avec tous les personnages. Ils pensent que c'est un film, et finalement, ce n'est pas un film. C'est la réalité. Ça y est, tu spoil. Ouais, déjà. Et donc, c'est une bonne curiosité. Tu conseilles quand même. Ouais, je conseille. Mais moi, j'ai vu. En fait, je suis allé le voir sans savoir ce que j'allais voir. En fait, moi, j'adore ces surprises-là. Ça m'a fait le même coup avec des films de Wes Anderson que je conseille d'aller voir sans rien savoir du film, hein, mais vraiment faut au moins le voir une fois pour se faire son avis, mais vraiment la deuxième partie du film donne vraiment envie de partir et de voir autre chose, de voir d'autres paysages, surtout d'autres cultures, hein. Ça c'est clair. Toon, si c'est pas de bêtises, tu veux parler d'un jeu de société qui s'appelle Mafia des Cubas. Oui, tout à fait, Mafia des Cubas, qui est sorti au mois de septembre de cette année, et qui est un jeu. Alors, si vous connaissez Loup-garou de Tiercelieu, oui. C'est pareil mais en différent. en fait, l'auteur du jeu, Loïc Lamy, si je dis pas de bêtises, a créé ce jeu. En espèce d'hommage au Loup-garou de Tiercelieu, et d'ailleurs c'est édité par la même société qui édite les loups-garous tirent sur lui, qui s'appelle lui-même. Et Mafia des Cuba, donc qu'est-ce que ça raconte? Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça se joue à nombreux. On a une petite boîte, donc il y a quelqu'un qui joue le parrain de la mafia cubaine, et le parrain doit s'absenter. Et du coup, pendant son absence, il confie sa boîte à son, pas, cette fois pas son bras droit, mais son bras gauche, donc à la personne qui est à sa gauche, avec un certain nombre de diamants dedans, des jetons de rôle. Donc il y a plusieurs rôles, il y a membre de la CIA ou du FBI, il y a chauffeur et fidèle. Donc le fidèle doit faire gagner le parrain, le membre de la CIA doit se faire accuser, et le chauffeur doit faire accuser le membre de la CIA. Un peu compliqué dit comme ça, mais en fait ça se joue très bien. Et en fait, chaque donc le joueur qui est à la gauche, qui reçoit la boîte, va prendre soit un rôle, soit des diamants, et va la passer à son voisin de gauche, etc. Jusqu'à ce qu'il revienne au parrain. Donc là, le parrain, constatant qu'il manque des choses, va commencer à poser des questions à tous les membres de son clan, en essayant de découvrir qui lui a volé des diamants. Et du coup, il va essayer de recouper tous les témoignages, etc. Et en fait, c'est un jeu qui joue parfaitement à table. C'est un peu la difficulté que j'ai, parce que je joue beaucoup aux jeux de société. Et quand je propose de faire un jeu de société, par exemple, un repas de Noël où les repas sont interminables, et c'est toujours un peu cool d'avoir un truc pour patienter entre les 3000 plats, c'est toujours un peu compliqué si on doit installer un plateau de jeu, ou si on doit faire un time's up et qu'on doit mimer, il faut se lever, etc. C'est pas toujours évident. Là, en fait, c'est un jeu où on a juste une boîte à se faire passer. Et après, on discute et on pose des questions, etc. Du coup, ça se joue très simplement. C'est très drôle parce que forcément, tu t'essayes de bluffer. Ou pas d'ailleurs, parce que si t'es fidèle, tu t'essayes pas de bluffer. Mais du coup, c'est extrêmement drôle et tout le monde finit par s'accuser et tout. Et si on joue un peu le jeu, c'est-à-dire que on rentre un peu dans ce rôle, soit de parrain, soit de membres de la mafia, et qu'on prend un peu les attitudes et tout, c'est extrêmement drôle à jouer, c'est extrêmement convivial, et voilà, et j'aime beaucoup ce jeu, j'ai déjà fait quelques parties, et à chaque fois ça s'est toujours très bien passé, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec vous. Très bien. Vous avez des choses à ajouter, monsieur, par rapport à ça? Ouais, j'avoue que si j'avais pensé moi aussi au jeu de société pour ce thème-là, j'aurais parlé du Ouga Bouga. Je sais pas si quelqu'un connaît. Ouga Bouga, non, ça me dit rien. Non, d'accord. En fait, c'est super simple à comprendre. Limite, t'as pas besoin de parler français pour jouer au jeu. En fait, t'as des cartes qui te donnent une onomatopée à faire. Donc, par exemple, admettons Ouga. Mm-hmm. Ensuite, tu fais Ah! Pour désigner un joueur suivant, au mieux être beaucoup, hein, je précise. Ouais. Et le joueur pose une de ses cartes devant lui, donc admettons qu'il est I, admettons. Donc du coup, ça fait Ouga I, et il doit désigner un autre joueur, et ainsi de suite en fait. Tu continues à poser des cartes de onomatopée comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se plante, et qui donc est comme d'un gage. Et voilà, c'est vrai, c'est un jeu de mémoire en fait, et ouais. Ça joue à plusieurs, et c'est très con et très rigolo. J'imagine bien, ouais, c'est le genre de truc qui pourrait facilement me plaire, ça. Voilà, et puis comme je dis, y a pas besoin de parler français, tu lis juste ce qu'il y a sur la carte. Moi j'ai joué avec des japonais. Comment ça raconte, j'ai joué avec des japonais et tout. non, est-ce que tu les as fait boire avant? Alors attends, est-ce qu'ils avaient bu ou pas? Aucune idée. Mais en tout cas, ouais, bref, quoi qu'il en soit, c'est très simple à comprendre et ça, c'est très marrant. D'accord, je note. Alors, juste avant que SKO prenne la parole, enfin, on va finir ce long tunnel entre Tuntun et moi. On était en train de prendre l'apéro avec Chuka, pas de soucis. Donc, je vais vous parler d'Ernest et Célestine, Tuntun en parlera aussi, mais on en a déjà tellement parlé avant. Ah, c'est film. On va peut-être pas rester énormément dessus, je pense. Donc, c'est... C'est très bien. C'est très bien, tout à fait. Regardez-le. C'est d'histoire en fait. À l'origine, en fait, c'est des livres de jeunesse qui racontent l'histoire de d'Ernest, un ours, et de Célestine, une souris, dont les deux espèces se haïssent cordialement les uns les autres. C'est-à-dire que les ours ont peur des souris et les souris ont peur des ours. Donc, forcément, ça n'aide pas au rapprochement des peuples. Et en fait, il s'avère que Célestine elle n'a pas peur des ours justement, et elle doit en fait partir à un moment, ils doivent partir en fait, il y a une espèce de rite où ils doivent ramener des dents pour les souris, parce qu'on sait que les souris se servent énormément de leurs dents, donc ils ont besoin de régulièrement faire leur stock, et c'est à ce moment-là que la rencontre entre Ernest et Célestine va se faire dans une poubelle quasiment. C'est un excellent film d'animation 2D qui change de tout ce qu'on a pu, de ce qu'on peut voir en 3D. Il y a une vraie patte graphique qui est très intéressante, qui reprend un petit peu les dessins des livres jeunesse, mais qui arrive vraiment à le sublimer. Aussi bien sur les jeux de lumière, les jeux d'ombre, sur les différents personnages que l'on voit, ce film a vraiment pas beaucoup de défauts, très peu de défauts même, parce que même le casting est super bien choisi, c'est pas des acteurs forcément très connus, mais qui font vraiment bien le job. C'est pour ça que c'est bien. Voilà, tout à fait. Mais ce qui incarne parfaitement le personnage, la musique aussi. Ben Wilson, ça va, il est connu. Hein. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Je pense que Ben Wilson est moins connu que d'autres. Ah ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais pour c'est le pas, coup. C'est pas les. Enfin. C'est pas Eric Cantona dans Le Voyage d'Arlo. Ouais, ok, d'accord. je repense par exemple à La Tempête de Bullet Jean 2. Où ils ont totalement changé le casting du premier, qui était très bien et qui fonctionnait très bien, et ils ont mis Jonathan Lambert, ils ont mis je sais plus, mais que des têtes d'affiche, et en fait le casting voix était pourri parce que ça marchait pas du tout, quoi. Et en plus pourquoi ils changent entre les deux films, c'est fou, quoi. Moi, tu disais par rapport au style, moi ça me fait toujours penser à Yamada-kun. Yamada. Takahata. Et du coup, Princesse Kaguya. Aussi. C'était un peu le même style. Donc foncez, info. Et puis là, il existe une version collector qui est assez sympa. Parce qu'il y a donc vous avez le DVD Blu-ray, vous avez aussi le livre jeunesse, le livre. Format jeunesse qui apprend l'histoire du film, et vous avez une boîte à dents en bois qui est assez cool. Pour tous les papas. Pour tous les papas. Et pour tous les enfants qui vont bientôt perdre leurs dents de lait. Donc c'est un film à conseiller vraiment, qui va peut-être passer, qui passera sûrement à la télé, j'espère, un jour rapidement, parce que les enfants vont bien avoir leur diffusion à la télé. Il était passé l'année dernière sur Canal. Ouais, sur Canal, oui, il est passé sur Canal, mais on va dire pas une chaîne. Je vais pas parler de Canal parce que tout le monde n'a pas Canal+. Mais il était passé sur une chaîne, mais pour passer sur une chaîne en clair, quoi. Peut-être sur Arte un jour. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ont passé pas mal de Ghibli. Ah, d'ailleurs, il y a les enfants loups qui passent, je sais plus comment, mais. Oui. Et ils passent sur NRJ 12. Oui. Il faut aller voir absolument aussi. Ouais, la chaîne de la jeunesse. Incroyable. Fou, hein. Mais on en a déjà parlé plein de fois. Mais il faut aller. Il faut toujours répéter. Ouais. Alors on va passer maintenant à Kirby Mass Attack. Donc pourquoi tu choisis ce jeu de l'amour, Shkao? Bah déjà oui, parce que c'est le jeu de l'amour, effectivement. Alors je vais passer quand même assez vite sur Kirby Mass Attack, parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans un fantastique podcast. Dans une très très bonne émission. Voilà, où je m'étais lâché sur Kirby, qui est pourtant ma dixième franchise préférée des jeux vidéo. Qu'est-ce que ça va être quand on va faire les neuf premières. Bref, en tout cas, ouais, voilà. Kirby Mass Attack, c'était sorti sur DS il y a un bon bout de temps, vraiment en fin de vie de la console. complètement en scrut par chez nous, et donc c'est Kirby, mais x10 en fait, et on dirige donc 10 Kirby qui se précipitent vers là où on pointe avec le stylet, on peut les regrouper et en faire une grappe de Kirby qu'on emmène aux quatre coins du niveau, et ça marche super bien. De toute façon, voilà, Hal Laboratory, c'est ceux qui avaient un petit peu expliqué la vie à tous les développeurs sur comment utiliser la DS avec Kirby Powerpoint Rush. Et voilà, et là aussi, ils nous expliquent comment il faut bien utiliser l'écran. C'est très ingénieux, il y a beaucoup d'idées dans tous les sens. Je ne sais pas qui est en train de faire de l'escrime avec son micro. Moi, c'est moi. Pardon. C'est toujours Romain. En fait, c'est pas la peine de poser la question. C'est Romain qui va dire oui, c'est moi. Je suis ton père et un truc comme ça. Bref, voilà, en tout cas, voilà, Kirby Master Attack, c'est très bien, je vous renvoie au podcast, et si on en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps sur console virtuelle Wii U, donc c'est un bon moyen de l'essayer également. Je ne l'ai pas testé sur Wii U parce que j'ai déjà plié dans tous les sens sur DS. Bah alors. Mais du coup, il y a peut-être plus de gens qui ont la DS, du coup ils peuvent peut-être acheter la DS. Ouais, c'est certes, il y a plus de gens qui ont la DS et qui ont les moyens de contourner certains trucs, j'imagine, surtout sur DS, qui est connu pour ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est très chouette jeu, et je terminerai avec ces mini-jeux qui sont aussi des putains de pépites. Il y a le shoot, là, notamment, j'avais mis la vidéo sur... Enfin, Romain a mis pour moi la vidéo sur l'article. Qui est fou, quoi. Ça pourrait être des jeux à eux tout seuls, c'est juste fabuleux. Ah, mais c'est ouais. Pas un... Moi, je crois que tu étais basé d'abord sur Wii, en fait, le jeu. Pas du tout. Sur Wii, non. Ah, d'accord. Sur Wii, il n'y a pas un autre jeu, alors rien. Si, il y en a eu deux sur Wii, mais... il y a le Kirby Lane. Ouais, mais l'autre, il n'y avait pas un autre dans le même esprit que. Et je non, l'autre, c'était Kirby avec quatre Adventure. Personnages différents. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, je crois que c'était pareil que ça, en fait. D'accord. Okay. Non, du tout. Ok. Mais ça joue en multi. Oui, il y en a un parmi nous qui a fêté son anniversaire au mois de décembre. Ouais, 25 ans. Ouais. plus 11, c'est ça? Non. Ah, plus 10, pardon. Ouais. C'est un peu le doyen, c'est ça que tu veux dire? Le papa. Ouais. Putain. Donc, on va parler du 11 décembre, puisque ton anniversaire était le 11 décembre, et donc tu nous as parlé d'un film Okuto no Ken, au nom, je pense que ça fait partie des noms les plus longs. Ouais, mais je dirais pas. On peut dire que Okuto no Ken, le film, très bien. C'est ça, tout à fait. Alors, raconte-nous d'où vient cette passion pour le film Okuto no Ken jusqu'à rendre illisibles les cassettes vidéo. En fait, moi, je vais pas m'attarder sur l'histoire, sur Ken le survivant, quoi. Je crois que tout le monde à peu près connaît. Tout est dans le titre. Donc, voilà. Il s'appelle Ken, c'est un survivant. Voilà. Bon, en gros, pour vulgariser, c'est Dallas au pays de Mad Max, si vous voulez. Enfin, c'est mon approche. Voilà. Non, en fait, j'ai. Enfin, le film, déjà, il est sorti en 95 en France. Et sauf que moi, j'ai un trou, je crois que je sais plus à quelle année j'ai acheté, entre 95 et fin 90. Et en fait, je m'étais fait un petit plaisir, je m'étais acheté pour mon anif. Et du coup j'hésitais entre ça et Macross, mais du coup j'ai pris les deux, mais là je me concentre sur Okuto no Ken. Et en fait moi mon amour du de l'anime en fait ça vient de base excuse-moi Yo, on t'entend quasiment pas avec Romain qui est en train d'aspirer son micro là. C'est faux, mais je fais vraiment. Oui, tu l'aspires vraiment, à mon avis, il a dit trop l'œsophage. Tu réécouteras le podcast, tu verras. Oui, donc je disais, mon amour pour Ken, en fait, ça vient de la découverte au Club 2 comme tout gamin, hein, je suppose, qui a grandi devant cette émission. Enfin, j'aimais bien le principe d'éclater des têtes et des corps et que ça explose dans tous les sens quand j'étais petit. Hein. Après, au fur et à mesure, je me suis intéressé au manga. Côté Dallas. Ouais, mon manga surtout, avec une édition dégueulasse aux éditions J'ai lu. Heureusement, ça a été réédité par la suite. Ah, j'ai lu, ouais. Mais ouais, du coup, je trouvais que ça rendait pas justice la série par rapport au propos du manga, enfin, de mon point de vue. Parce que pour moi, en gros, c'est un futur post apocalyptique qui a été ravagé donc par par la guerre nucléaire, et donc en gros t'as d'un côté t'as les riches qui survivent et les pauvres, enfin les riches qui vivent bien du coup et les pauvres qui doivent survivre soit en volant ou en prendre de la bouffe ou chercher de l'eau. Et en gros dans tout ça t'as bah, t'as Kenshiro le héros qui est à la recherche de sa copine Yuria, enfin Julia en français. Et enfin, pour moi c'est une grosse histoire d'amour en fait, ça peut paraître bizarre en 10 ans, mais tu suis cette histoire, tu suis aussi l'histoire de sa fratrie, donc avec ses trois frères, vu que c'est le plus jeune de sa famille. Donc après t'as toutes ces histoires, t'as d'autres rencontres, je trouve que c'est, enfin j'allais dire ça fait un peu de cliché manga un peu shonen, c'est un, comment dire, c'est une sorte d'ours, non, c'est un grand ours, ouais, avec un grand cœur, quoi. Il est taiseux, il parle jamais, mais en gros, il pense toujours aux autres, il va essayer de secourir la veuve et l'orphelin, donc voilà, un peu pour résumer tout ça. Et si on part sur le film, c'était sur le film de base, oui, le film, en fait, c'est un condensé du manga. En gros, il y a deux arcs, le premier arc, ça va du début de l'histoire jusqu'à la confrontation finale avec un de ses frères. Et après, t'as le deuxième arc où il part en enfer combattre encore, spoiler, un de ses frères. voilà. Et donc, le film reprend le premier arc et avec quelques modifications et condensé du coup. Mais je trouve que ça, le rythme, il passe bien. Bon, après, forcément, la psychologie des personnages, c'est moins développé, mais quand t'es fan et que tu connais les persos, c'est toujours plaisant de les revoir. Après, forcément, c'est plus gore que la série qui était quand même un peu censurée. Mais ouais, même... On va dire, les ennemis, quand ils explosaient, ils étaient faits de lumière, hein, c'est ça. Ouais, et en fait, dans le film, là, tu vois vraiment tout qui sort, les boyaux, tout ça. Mais malgré ça, en fait, le film a quand même été censuré au Japon. Enfin, la première diffusion au ciné, la Toei s'est rendu compte quand même que c'était un peu violent, donc du coup ça, elle a été un peu remaniée, et ça se voit dans le film, il y a quelques coupures, il y a aussi des... Quand les ennemis explosent, il y a du sang noir aussi, enfin on voit pas tout non plus. Et apparemment cette version elle est pas trouvable, la version de base qui était passée au ciné, sauf... dans une version italienne obscure, je sais pas quoi. Et donc voilà, moi c'est un kiff, j'adore voir ce film. Là, j'ai acheté le DVD qui date, je crois, il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai pas les dates exactes, de toute façon tout est détaillé dans le texte, mais ouais, donc il y a un DVD qui est sorti. Après, je sais pas s'il y a une version Blu-ray qui est sortie, je crois que oui, je crois que je dois te dire, mais la qualité elle est pas non plus tip top en fait. Donc autant prendre le DVD, il n'y a pas de plus-value à acheter de Blu-ray. Et pour moi, je le conseille forcément aux fans, mais bon, les fans ils doivent déjà l'avoir. Hein. Et après, je sais pas si vous aimez la série, vous, si ça vous parle Ken ou pas. J'ai jamais trop lu en fait, moi. Si j'ai lu les. J'ai pas lu tous les mangas, j'ai commencé la série quand elle était rééditée chez Azuka et Kaze Manga par la suite. Ouais. Et je trouve ça assez cool, même si c'est un peu répétitif. Ouais, c'est répétitif. Après, c'est très, j'allais dire, burné, un peu. Ah, ouais, c'est sûr. De toute façon, années 80. Voilà, c'est très années 80. Et bon, après, je comprends que ça puisse pas bien, mais ouais. Bah, puis c'était l'époque avec, c'est pareil, Boichi Terazawa, avec Cobra, ou des trucs un peu velus, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, non. Testostérone, on va dire. Ouais. Et donc, aussi la BO est magistral quand même pas, mais elle est bien pêchue, il y a de bons morceaux, notamment deux morceaux, et moi je trouve ça vaut le coup, c'est un petit revival des années 80 à 90, c'est très plaisant. Moi j'ai une question par rapport à Kutonokan, est-ce que t'as lu La Légende de Rao, le non, ça m'a titillé un moment, mais je suis... Ouais, non, j'ai pas eu en fait. J'étais vraiment resté centré sur un souvenir. C'est réalisé par. Enfin, dessiné et scénarisé par Yuko Osada. Donc, forcément, ça doit être plutôt bien, mais. Du coup, c'était pour avoir un avis dessus, parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Il y a eu une série de spin-off, je crois, sur des personnages. Ouais, c'est ça, et je suis pas très fan des spin-off en général, donc ça m'a pas pu s'attirer que ça. Il faut savoir aussi que je crois qu'en 2008, il y a eu des OAV qui ont repris, comme d'hab, l'histoire du manga, mais je les trouve pas très réussis, même techniquement, et même. Je trouve ça plus édulcoré en fait. que le manga de base, en fait. Donc ça m'a pas trop attiré, et on ne va pas parler du film américain aussi, qui n'existe pas. Et suite à ça, j'ai kiffé les jeux vidéo aussi. Donc tout est un lien, en fait. Il y a des jeux vidéo. Dernièrement, je suis en train de jouer aux Kutomuso, qui sont sortis sur PS3 et Xbox. Kenrage, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, Kenrage. Sachant que le 1, moi, pour moi, c'est un monument, mais pas pour tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, ouais. Voilà. Et sachant que j'aimais pas les Musso, donc c'était mon premier Musso à Kutlaken, moi, c'était des bonheurs, mais là, je suis en train de faire le 2, et là, je suis en train de déchanter. En tourne 1, je pouvais pardonner quelques trucs, mais là, le 2, c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Donc voilà. Donc, ça pour dire que Ken, c'est la vie, quoi. Une petite question, ils ouais. ont gardé le générique là, japonais, là, comment il s'appelle, Aiwo Torimodose, je crois. Pour le film. Ouais. Non, il n'y a pas de. Non, c'est d'autres compositions en fait, si je dis pas de bêtises, dans le film. Non, c'est pas le même. Mais il y a Heart of Madness, je sais pas si tu connais. Non. Celui-là est bien, il est mortel, c'est pareil, tu l'entends dans la bande annonce. De toute façon, il y a les liens, t'auras qu'à cliquer. Et okay. Voilà, c'est vrai. Et non, il n'y est pas. C'est vraiment dommage. Propre à la série. Mais ouais, je comprends. Il est fort aussi le morceau. Mais sur la BO, il y est, je crois. Du film aussi. Ils l'ont rajouté. Enfin, du film série, je crois que c'est un mix de deux. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Non, je dis une connerie. Je crois qu'il y a la BO du film et la BO de l'anime, je crois. Ok. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, on va passer à la suite. On va peut-être passer sur One-Ups qui avait été choisi par The Reaper. On va peut-être parler rapidement du retour à la Terre. Tonton, tu l'as lu ? Non. D'accord. Tu l'as pas lu, Tonton ? Je pensais que tu l'as lu. Ça fait des années que j'aimerais le lire. Mais comme d'hab, faut mettre des priorités. Et un jour, je me mettrai à l'œuvre de Larsenet entière. Parce qu'il y a le retour à la Terre, mais il y a plein d'autres choses qui sont très très différentes, mais le retour à la Terre, j'ai déjà lu quelques planches, Le rapport de Brodeck, c'est pas... Si, et du coup c'est très très différent. Oui, c'est ça, ouais. Ça n'a absolument rien à voir, que ce soit graphiquement ou au niveau de l'histoire, c'est très très sombre, et c'est... du coup ça n'a rien à voir. Mais comme ce qu'il a fait dernièrement, Blast... C'est pas du tout la même ambiance, mais le retour à la Terre, j'ai lu quelques planches et j'adore. Je suis très très fan de moi j'ai lu les trois, je crois, trois premiers. Je sais plus combien il y en a, mais moi j'ai kiffé aussi. C'est énorme. 4, je sais plus. 4. C'est énorme. 6, je sais plus. Et donc ils l'ont sorti en intégrale. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Mm-hmm. C'est cool ça. Et puis de toute façon, faut s'intéresser à ce que fait Larsenet de manière générale. C'est ouf. Hein. C'est un auteur incroyable. Tout à fait. On va passer du coup à Garfield, hein, choisi par Chaos. Oui. Raconte-nous ta passion. Je crois qu'on a zappé The One Ups aussi, mais. Oui, Romain est passé très rapidement dessus. J'ai zappé quoi ? The One Ups. Ah oui, parce qu'en fait c'était un choix de. C'était un choix de Reaper, mais comme Reaper n'est pas là, c'est un groupe de musique qui reprend, pour résumer, c'est un groupe de musique qui reprend des... Et on peut en parler, hein, si t'as des choses à dire dessus. Ouais, si tu veux, oui. Moi non plus. D'accord. Donc, non, c'est, je le constatais. Vous avez, pour info, vous avez une playlist Spotify qui est disponible sur l'article, créé par Reaper lui-même, donc avec amour et tendresse. de nous parler donc de Garfield, Chicago. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est une BD que personne ne connaît. Mais si, c'était les poches, ça. Mais exactement. Tu vois, c'est exactement. Moi, je pense à Garfield, je pense à Télépoche. Tout à fait. Tu vois. Chez mes grands-parents. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, Télépoche, c'est une longue histoire. Moi, je pense au film avec Bill Murray. Non. Mais non. Avec Bill Murray. On va te muter. C'est pas avec Koué ? Non, c'est Koué faisait la voix de Garfield. Koué faisait la voix de Garfield. C'est pas de Bill Murray en VO. Enfin, la pire chose, c'est que j'ai vu le film, j'ai dû commencer à le regarder, c'était en québécois, et là j'ai fait non, c'est pas. Justement, je voulais en parler, vous me spoiliez tout. ouais, on recommence, on te laisse parler. Bon, on va passer à la suite. Nous t'écoutons. La version québécoise est absolument dingue, oui, parce que ben, justement, ils ont un accent mais découpé au laser là-dedans, c'est juste ouf. Et bon, ça rend pas le film meilleur pour autant, hein, c'est vraiment une grosse blouse. Voilà. Bon, mais Garfield, la BD, par contre, c'est bien. C'est, pour moi, c'est la meilleure BD de l'univers. Parce que c'est simple, moi j'adore l'humour et ben Garfield c'est de l'humour en fait, c'est donc des gags de 3 cases en général, mais des fois il fait ça sur plus. C'est bourré de cynisme, d'humour absurde, et il y a beaucoup de gags qui reviennent, genre enfin le rapport NN entre Garfield et les araignées, la stupidité crasse de Woody, les lasagnes. Les lasagnes, évidemment. Il y a John aussi qui se prend des râteaux mais monumentaux. Il pourrait ouvrir un Jardiland. Bref. Oh non. Ah si. Je n'ai pas honte. Je n'ai jamais. Depuis le temps, c'est vrai que. Voilà, sachant que il y a du nouveau chez John depuis 2006, il me semble. C'est qu'il a enfin une copine. Et il l'a gardé donc, et c'est Liz, c'est la vétérinaire en fait. Voilà. Il a réussi à avoir une copine, bravo John. Et voilà, bref, en tout cas, voilà. Garfield, c'est du n'importe quoi, du début à la fin, sachant qu'il n'y a pas de fin. Les strips sont toujours en cours de parution, et ils sont même lisibles en ligne directement, de façon tout à fait légale, mise à jour par Jim Davis, l'auteur. Et l'auteur, il a quel âge, en fait? L'auteur, je crois qu'il atteint les 70 ans, un truc comme ça. Ah ouais? Il a toujours... Wow. Bah, commencé en 78, hein. Non, mais je veux dire, c'est toujours le même. Ah oui, il est toujours... D'accord, ok. Ah, toujours plein d'idées, et je crois qu'il a dérogé une fois ou deux à la parution quotidienne, quoi. Ouais. Mais voilà, enfin, surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait toujours autant d'idées, quoi. C'est... Ouais. Mais du coup, tu m'as dit... T'as dit c'est édité... Enfin, c'est édité chez... En France, c'est juste des strips dispo sur... C'est édité en France chez... Je regarde ça chez Dargo. Voilà. Alors moi, j'ai jusqu'au 47e tome. Ah ouais, quand même. Oui. Non, et je crois qu'on atteint facilement les 60 maintenant. Voilà. C'est sous quel format les BD Enfin, les albums Franco-belge, tout à fait. D'accord. Quoi. Voilà. Après, parce que j'imaginais un format à l'italienne, ça aurait pu être sympa. Ouais, ça aurait pu être sympa aussi. Ouais, mais il y a aussi des versions au format italienne. Enfin, il y a eu beaucoup de versions de Garfield. Ouais, j'imagine. Rien qu'en France, aux États-Unis, j'imagine même pas, parce que c'est de là que ça vient. Et du coup, aux États-Unis, c'est genre édité dans. Enfin, c'est paru dans un journal, c'est pareil, c'est une BD. Alors, au début, c'était édité tous les jours dans un journal. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, puisque bon, on sait que la presse, voilà, hein, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils continuent à en sortir tous les jours. Et c'est pareil, même, ils passent aussi par le net, aux États-Unis, tu sais pas? C'est genre, c'est sur une plateforme aussi, numérique? Oui, bah, Garfield.com, en fait. Ah, d'accord. Mais en fait, il est en anglais. Voilà, bon, c'est en anglais, évidemment. Mais voilà, ils y sont tous depuis le premier. C'est une très chouette initiative de l'auteur qui, de toute façon, à mon avis, doit nager dans ses dollars. Donc, Non, mais c'est bien, en même temps, tu peux te poser des questions, tu peux dire, on en a pas marre depuis, je sais pas, ces années, quoi, putain, de continuer. Et ouais, non, écoute, il semblerait qu'il aime toujours ses personnages. C'est cool. C'est cool, ouais, c'est fou. Mais il n'a pas trop évolué au niveau de son style. Bah, le chat a évolué au fur et à mesure. Ah oui, au début c'était vraiment un gros tas. Hein. C'était. non mais vraiment au sens, enfin c'était Jabba le Hutt quoi, limite. voilà. Maintenant il est un peu plus élancé, il a gagné des pattes aussi, il se met beaucoup plus souvent sur ses deux pattes arrière. Et puis bon, ça, par contre c'est vrai que ça fait je sais pas 15-20 ans qu'il a toujours la même tronche. Limite des fois tu te demandes si c'est pas du copier-coller entre chaque case. C'est probable. Ah bah, surtout avec le numérique, maintenant. Ouais, voilà, tout à fait. Et une question, est-ce qu'il a essayé de lui attribuer un autre personnage, genre une Garfield au féminin, ou pas du tout? Oui, il y a une Garfield au féminin, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle est pas rose? Si, c'est une chatte toute rose avec un très long cou, et des lèvres... Oui, exact, ah oui. Je sais plus comment elle s'appelle, par contre, désolé, mais il y a beaucoup de personnages, mine de rien. Il y a aussi les souris. Il y a les souris, il y a Nermal, le chaton le plus mignon du monde, qui est donc absolument insupportable pour Garfield. Non, mais je te posais la question parce que c'est intéressant de savoir si, genre, il a tenté d'inclure des personnages et il s'est rendu compte au fur et à mesure que ça marchait pas, il les attège. Non, non, il y a des personnages qui sont arrivés très régulièrement, certains qui sont toujours là, qui réapparaissent de façon cyclique, on va dire. D'accord. Après, si, il y a un personnage qui était important au début, qui a complètement disparu ensuite, et j'ai complètement oublié son prénom. Voilà, parce que ça fait genre 25 ans qu'on l'a plus vu. Et encore une autre question, désolé, mais c'est intéressant de ça, mais est-ce qu'il est lié à l'actualité ou c'est vraiment dans sa bulle, c'est un univers, ça n'a rien à voir avec, c'est pas contemporain, quoi, enfin. Alors, ça fait pas référence à des faits d'actualité, on Ouais. va dire. Mais par contre, comment dire, l'équipement que John a chez lui change. C'est-à-dire D'accord, ouais, au fur et à mesure. voilà, il a eu un ordinateur, il a eu Internet, maintenant il a un smartphone. D'ailleurs, il y a des gags très marrants à base de smartphones. D'accord, Voilà. ok. Mais par contre, c'est voilà, c'est Simpson, c'est-à-dire Parce que il j'allais vieillit dire comme jamais. Simpson. Voilà. Tout à fait. Mais ça ne fait Cool. pas référence à des faits d'actualité, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, tu peux très bien lire les trucs de 1977, Ok. tu comprendras quoi. Cool. Ça goûte. Et voilà, et donc, oui, il y a eu des films très mauvais. Et les animés, du coup. Enfin, tu sais, c'est des dessins animés en 3D, là. Oui, les trucs Oui. sur Ludo, Du coup, François Ludo, ça là, tout là. dénature l'œuvre ou c'est non, ça Ah oui, reste. complètement. Non, Le alors. truc en 3D, là, dégueulasse. Ouais, non, non, mais c'est dégueulasse, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Faut pas regarder ça, messieurs, dames. Mais par contre, il y avait un dessin animé dans les années 80 ou 90, un truc comme ça, qui était donc en 2D, qui était un petit peu des compilations de gags, on va dire. D'accord. C'est-à-dire, ils arrivaient à faire un fil rouge dans l'épisode, mais en reprenant des gags de la BD, quoi. Mais tu peux dire que l'auteur il a validé quand même tout ça. Non, je sais pas. L'auteur il a validé quand Et c'est même. ça le problème. C'est bien Okay. ça le problème. Enfin bon. Mais il a Ok. gagné de l'argent, quoi. Ouais, je crois qu'il en avait besoin. Ouais. Ah bah, je pense qu'une Tu dis pas adaptation ciné par non. rapport à des strips, c'est ou même une adaptation animée, ça rapporte largement plus, Ouais, mais en même temps, il y a des je pense. royalties, tout ça. Ouais, c'est Tous ça, les donc c'est les royalties. royalties. Bah Ouais, oui. mais alors de ce que je connais, de l'apparition notamment bah, à l'époque des comic strips Les comment dire, journaux? dans les périodiques, enfin dans les journaux Ouais. américains, c'est très compliqué d'en vivre correctement. En fait, ils passent par des agences qui fournissent les strips à plein de journaux différents. D'accord. Parce qu'ils ont beaucoup de journaux régionaux, en fait, aux États-Unis. Et comme il y a beaucoup de régions, bah, forcément, il y a beaucoup de journaux différents. Et ils sont assez, enfin, ça a été très compliqué pendant très longtemps d'être correctement rémunéré pour ça. Et souvent, je crois que tu avais des contrats avec ces agences où tu leur fournissais et t'avais pas de royalties ou t'avais pas de droit en tout cas sur ces planches-là. Et du coup, pendant longtemps, ça a été vraiment difficile d'en vivre, je pense, Bon, aux après, de toute façon, il États-Unis. va pas dire non à des sous. Hein. Mais C'est voilà, comme moi, après. mais non, Forcément, quand t'as des adaptations animées et tout qui débarquent, et en plus, ça permet de populariser une BD. c'est pas faux. Ouais. En Mais tout bon, à tu fait. vois, Enfin, pour moi, Jim Davis avait pas vraiment besoin d'argent, Oui, c'est ça, mais par rapport à ce qu'il disait Chicago, à mes yeux, Garfield, c'était plus un truc humoristique pour enfants que je connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était trash, enfin trash, plus C'est cynique, cynique. voilà, tu Ah oui, c'est très cynique. vois. Non, franchement, ça se lit très bien. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que le Garfield.com, là, je le garde au chaud et je vais voir de temps en temps et c'est cool parce que tu peux y rester des heures là, hein. Ah Tu oui, peux en enchaîner les plus, tu strips peux sans chercher par problème. thème et tout. Enfin, bien quoi, très bonne initiative pour le coup. Ouais. Mais c'est là que je dis que, enfin, il n'a pas besoin d'argent quoi, s'il le publie comme ça gratos en ligne. Oui, c'est clair. Bref. On va passer à Jim Curious. Ah oui, une belle BD. Toon C'est une magnifique BD que j'ai découvert au Festival d'Angoulême de cette année, puisqu'il y avait une expo qui lui était dédiée. Et donc Jim Curious, c'est dessiné par Mathias Picard, et c'est une histoire muette qui raconte un voyage, comme le dit le sous-titre, un voyage au cœur de l'océan. En fait, pour le pitch très rapidement, Jim Curious habite juste à côté de la mer, Il enfile un scaphandre et il va dans l'eau et découvrir les fonds marins. Et il découvre plein plein de choses. D'abord des poubelles, des voitures, des trucs comme ça. Parce que forcément, on est des humains, on dégueulasse tout. Ensuite, la faune, la flore sous-marine, au fur et à mesure des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, des bateaux pirates, enfin, y a plein de choses. Et il lui arrive pas mal de petites aventures, notamment une attaque de requin. Et voilà, en fait, on est vraiment en voyage avec Jim Curious. Et la particularité, enfin les deux particularités, c'est déjà la première, la façon dont c'est réalisé, c'est-à-dire qu'il prend des feuilles transparentes, des calques, sur lesquelles il met de l'encre de Chine. Et en fait, il va gratter l'encre pour réaliser son dessin. Et du coup, c'est donc en noir et blanc, sans nuance. C'est très sombre. Forcément, ça représente très bien les fonds marins, puisque on n'a pas beaucoup de lumière dans les fonds. Et ça donne un côté très brut, mais c'est très bien réalisé. C'est pas ça nous agresse pas, en fait, c'est même plutôt doux pour un procédé pareil. C'est plein de détails, c'est gorgé de détails, c'est impressionnant. Et la deuxième particularité, et qui est vraiment extrêmement réussie, c'est que c'est en stéréoscopie, c'est des anaglyphes. Donc les anaglyphes, c'est avec les lunettes rouge-vert, ouais. Qui permet de superposer, en fait, selon le décalage qu'il y a. On prend une image, on met un filtre noir, un filtre vert, un filtre rouge, et on décale les deux filtres, ce qui donne un effet de profondeur, alors qui ressort ou qui est plus ou moins profond, selon si on met le rouge à gauche ou le rouge à droite, etc. Et c'est extrêmement bien réalisé, il y a un niveau de profondeur incroyable. C'est fourni avec ces lunettes. Oui, alors c'est là où c'est très malin, c'est qu'il y a deux paires de lunettes, une pour regarder, une pour l'adulte et une pour l'enfant. Oh, c'est bon. Comme ça, tu peux lire à deux. Et ça rend hyper bien. Il arrive à faire 5-6 couches de profondeur. C'est super bien rendu. Et en fait, si vous voulez vous rendre compte un peu du truc, si vous avez des lunettes. C'est assez facile à se procurer. Enfin, voilà, il y a déjà des BD qui l'ont fait. Mutafrica, tome 5, par exemple, qui est sorti tome 4, pardon, qui est sorti il y a un an, deux ans. Mais il y en a plein d'autres. Et ben, sur l'article que j'ai écrit, j'ai mis des images. Ouais. Et si vous, ça marche très très bien. Si vous voulez voir ce que ça donne. Vous mettez les lunettes et vous avez l'effet. Et moi, je suis extrêmement fan de ce genre de rendu. Pour un voyage au cœur de l'océan comme on a là, ça rend parfaitement bien. Et alors, c'est dommage que vous ayez raté l'expo à Angoulême, parce que en fait, il y avait plusieurs. Il y avait deux salles différentes. Il y en avait une avec les planches, mais en 3x4, quoi, en immense. Et du coup, avec le rendu, donc on se baladait avec les lunettes, et on était vraiment, du coup, au cœur de l'attaque du requin, par exemple, ou des différents paysages qui fait découvrir. Et il y a une autre pièce où c'était, en fait, il reconstituait les plans, planche par planche. Comment dire, en fait, chaque plan était imprimé sur un plexi, et en fait il reconstituait avec le décalage en réel, ce qui donnait l'effet de 3D et ce qui expliquait un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, quand on se décalait, quand on était plein axe, on voyait la profondeur, mais quand on se décalait, on voyait les planches de en plexi qui étaient superposées, en fait. Et du coup, c'est extrêmement ludique, et en plus en grandeur nature comme ça, ça rendait vraiment très très bien, et du coup, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter cette BD, et c'est une BD incroyable, unique en son genre, et qu'il faut forcément acheter. En tout cas, ça a l'air bien top, les extraits. C'est dans la vie. Ouais. Il faut se dire que c'est comme ça tout le temps, et en plus, au cours de l'histoire, qui se lit assez vite, hein, ça reste enfin, c'est muet, et du coup, c'est une succession de planches. Alors, il y a des doubles pages, il y a des plus simples. En fait, ça fait un peu livre illustré et BD, parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre, c'est surtout des pleines pages. Et du coup, ça se lit assez vite. Mais tout le rendu est comme sur ce que j'ai mis sur l'article. Et du coup, là, si ça fonctionne sur l'article, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que ça fonctionne très très bien. C'est chez quel éditeur ? Et chez l'éditeur 2024, qui est un petit éditeur qui fait des trucs assez originaux. D'ailleurs, là, dernièrement, Mathias Picard, donc l'auteur, a réalisé une nouvelle BD chez 2024 qui est plus un objet musical. En fait, c'est il illustre une bande sonore réalisée par Mathieu Chédid. D'accord. Et d'ailleurs, à Angoulême, cette année, ils vont faire un concert dessiné. Okay. Mathieu Chédid va jouer et en même temps, Mathias Picard va dessiner pendant le concert. Tu vas y assister ? Je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien, ouais. Parce que j'aime beaucoup son trait en plus à Mathias Picard. Ok, chouette. Très bien, alors on va passer rapidement sur donc Star Wars qui devait nous être raconté par Guillaume. C'est de la merde. Donc les éditions. Éditions spécialisées, donc c'est pour expliquer ce que sont les éditions spécialisées. Donc déjà, je vous laisserai vous référer à l'article qu'il a écrit. Et ensuite, en fait, c'est des éditions qui sont respectueuses, on va dire, du matériel original, qui sont remontées en fait, en prenant en fait tout ce qui existe. La personne qui a fait ça, en fait, après tout ce qui a pu exister en termes de matériel, donc en DVD, laserdisc. Et à tout recompiler pour faire un seul et même film, trois films en fait différents, mais reprenant les meilleures parties et le plus respectueux de ce qui avait été fait initialement, quoi. Au niveau des parce que Star Wars a connu énormément de versions différentes, refaites. Tu m'étonnes. Refaites, défaites et refaites ensuite. Non mais c'est bref. Donc voilà. Il y a même un univers étendu qui a été effacé il y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Suite à un certain rachat. En fait, ce qui m'a fait rire en regardant Star Wars 7, c'est en me disant au début, tiens, si en fait l'Empire c'était Disney et la Résistance c'était les petits éditeurs indépendants. Et là tu fais, ah ouais. Et juste d'ailleurs deux secondes pour revenir au Star Wars 7, il y avait du monde quand t'as été le voir, du coup c'était blindé. Alors même pas parce que nous en fait on est arrivé une heure en avant pour être sûr d'être bien placé. Donc ouais. Évidemment t'es les premiers dans la file et alors c'est une séance le samedi, c'était samedi à 16h et il y avait que deux tiers de la salle qui était pleine. Oh putain c'est. Et du coup t'avais réservé ou t'avais pris oui. Ah ouais d'accord. J'ai réservé à l'avance. Mais comme quoi, voilà, alors bon, enfin, c'est une. Pourtant, c'est un des gros cinémas de Nantes, quoi. Des cinémas okay. importants de Nantes, donc assez étonné par rapport à ça. Okay. On va passer directement au 17e entrée avec les annales du Disque Monde, donc ça c'était présenté par Reaper, mais Reaper n'étant pas là, on peut en parler rapidement, c'est une suite d'une série de livres qu'il faut absolument lire, justement. Je pense que Tuntun, tu es d'accord avec moi ? Oui. Même si moi j'en ai lu qu'un pour l'instant, mais en fait j'en ai vu en téléfilm, j'en ai vu des très bons téléfilms d'ailleurs. Des téléfilms anglais. C'est des téléfilms anglais et. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot, Tuntun. Mais quoi, c'est des films réalisés pour la télé. C'est pas de ma faute. Non mais du coup c'est enfin. Les téléfilms sont vachement bien. Après, non, je te laisse parler c'est des migrants. Rapidement, c'est pareil, j'ai pas tout lu, donc je pourrais pas être forcément très exhaustif par rapport à ça, mais alors ça se passe dans un univers d'heroic fantasy. Tout est, on va dire, tout est le plus absurde. Les uns par rapport, voilà, les éléments sont le plus absurdes les uns par rapport aux autres. C'est vraiment un univers à lire, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout appétant à la fantasy. C'est tellement drôle, et même tellement bien traduit, il y a une superbe, la comment dire, l'adaptation française est vraiment très très très très bonne. Donc voilà, juste, lisez-le quoi. C'est disponible en poche, c'est disponible dans une super édition chez la Talente. Une nouvelle édition encore chez la Talente qui ont commencé l'année dernière. Ouais, Malheureusement, dans l'actualité, puisque c'est au moment où Terry Pratchett est décédé. Ouais, Et mais ouais. ouais, vas-y, Non, vas-y. non, non, juste pour dire une superbe édition, nouvelle édition qui est sortie, comme tu disais, avec plein de livres aussi à côté, Ouais. parce qu'il s'est sorti plein d'autres livres, Terry Des recettes Pratchett. de cuisine, des cartes, des guides, Un livre qui s'appelle Le monde merveilleux du caca. Donc, pourquoi pas écouter, hein. Et là, j'ai commencé, comment dire, un bouquin qu'il a écrit avec Neil Gaiman, De bons présages. exactement, qui raconte les 7 derniers jours avant La fin du monde. l'apocalypse. Et pour l'instant, je viens juste de commencer, mais ça a l'air très très bon. Très bien. Donc à lire, en tout cas, je référez-vous à l'article qui a été écrit par Ripper en date du 17 décembre. Vous comprendrez le pourquoi de les raisons pour lesquelles il faut lire. Les annales du disque monde. Moi, je vais revenir rapidement sur donc le 18 décembre sur Rhythm Paradise. Donc j'ai appris à écrire le nom aussi parce que c'est RHYTHM. Qui a joué à Rhythm Paradise? Moi, Moi. moi, moi. Bon. J'adore ce jeu aussi. Et en fait, ça fait partie des deux jeux de rythme que j'aime parce que moi, j'aime pas les jeux de rythme. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est très vite limité, mais Rhythm Paradise et Elite Beat Agents, donc, Ah oui. Ah sur la là même là là console. là. Voilà. Quelle version? Quelle version? T'as vu la version japonaise ou Ouais, la Elite Beat version? Agents. C'est la version française, la version américaine ou la version japonaise, c'est pas les mêmes chansons en fait. La Non, c'est version pas les française et mêmes. américaine ont les mêmes chansons. Oui, C'est la version japonaise, c'est pas la pareil. version Ouais. entre Et il y version a japonaise. une version japonaise qui s'appelle Je sais plus comment Os ça s'appelle. Tatakae Wandan. Ouais, Wendan, C'est voilà. ça. Voilà, ça Ouais. qui a eu une suite également. De toute façon, voilà, tous ces jeux-là sont très très bien. Et voilà, Rhythm Paradise, pour revenir au sujet, c'est très bien parce que c'est mis en scène en fait. C'est ça, un Romain. Ouais. Oui, mais en Je fait, suis en train de te piquer ton sujet. Ah non, mais ça me va très Oui, bien, il n'y a mais il pas de a écrit un problème. article, tu peux en parler, hein. Mais oui, c'est-à-dire que c'est un jeu qui met en place différentes scénettes qui durent quelques minutes. Il y a en termes de HUD, en termes de comment dire, il y a très peu d'informations en fait à l'écran. Tout se joue au D'interface. stylet. Alors faut prendre la console, hein, la DS, et ça marche aussi très bien sur une 3DS en mode livre. Et il y a Kawashima. comment? Comme Kawashima. Comme Kawashima, tout à fait. Et il y a deux actions, on va dire, avec quelques variantes, mais il y a deux actions, c'est pointer, faire Glisser. et faire glisser le stylet sur l'écran tactile, et puis c'est tout par de là, quoi. Et en fait, ce qui est très fort dans ce jeu, c'est que il y a une petite phase d'entraînement, et après, on s'adapte parfaitement à ce que va nous proposer, ce que nous demander de faire le jeu, sans aucune indication à l'écran, uniquement celle de la musique et du visage de, comment dire, des personnages ou de l'action qui va se passer à l'écran, quoi. Et ça, c'est quand même très très fort, hein, c'est-à-dire, c'est très didactique dans son approche. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'expliquer, comme Nintendo sait très bien faire des tutoriels, ils n'ont pas besoin de faire des tutoriels de ouf pour comprendre le pourquoi du comment et comment ça fonctionne pour réussir la séquence, quoi. Bah ça commence toujours par un tutoriel hein, dans mes souvenirs quand même. Ouais, non mais Ouais, mais c'est un tutoriel en jouant quoi, c'est très léger, c'est quoi. Oui. pas C'est pas tu dois appuyer sur A pour faire ça. Attention, attention, tu vois. Mais t'es en train de parler de la gêne actuelle, c'est ça? Bah c'est très ouais. Ça a commencé avec la PS2, hein, je dirais. Moi, je me Ouais, rappelle toujours de FF12 qui te dit appuie sur le stick pour avancer, sinon sans deck. ouais, en fait, ça te pollue on va dire l'immersion dans le jeu parce que tu sais très bien ce que tu veux faire et même cette phase de découverte fait aussi, même s'il y a un échec derrière, ça fait partie de la découverte, quoi. Tu sais que si tu tombes dans un trou, tu le feras pas après. Enfin bref, sans partir dans cette direction-là, on est un peu trop pris par la main. Et moi, j'étais notamment sur un très bon jeu qui m'a saoulé au début, c'est Mario Luigi Dream Team Bros, qui est vraiment excellent, qui est un excellent jeu, mais où t'es vraiment pris par la main, mais genre t'es neuneux quoi, tu sais, c'est un peu comme. C'est le cas des jeux Nintendo ces dernières années. Ouais, c'est ça, mais c'est comme Dora l'Exploratrice, tu vois, c'est genre le truc où tu dis, mais les enfants sont quand même pas si cons que ça, quoi, tu vois. Enfin, Cela dit, Navi dans Ocarina of Time, c'était déjà le cas. Ouais, mais après, là, c'est vraiment, je te prends la main, je t'écrase le poignet, tu vas faire ce que je te dis de faire, quoi, tu vois. Ce n'est pas le cas dans les Kirby, là. Oui, voilà, mais. Enfin, bref, pour revenir à Rhythm Paradise. Du coup, les musiques, c'est des musiques. C'est trop bien. Enfin, conçu exprès pour le jeu, c'est ouais, existant, en fait. En plus, ce qui est marrant, c'est que je crois que celui qui a créé les musiques du jeu, ça va être il a dû être producteur pour les AKB 48. Oh merde. Un groupe d'idoles très connu au Japon. Bah, c'est très pop, hein. Ah oui. Mais c'est incroyable, parce que ça te rentre dans la tête. Comme avec les trois singes, là. C'est ça. Enfin, non, pas les singes, non, mais le Phantom avec les têtes rondes, là. Ah oui, je vois le truc, ouais. Où il crie, ouais, je vois. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que il y a un vrai pouvoir d'apprentissage. De la rythmique. C'est des vraies notions de musique qui t'apprennent, mais sans te le dire. Et du coup, des contretemps, des trucs comme ça, parce que chaque niveau est lié à un point spécial de la musique, enfin de la façon de faire de la musique, et du coup chaque stage t'apprend comment le faire, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un vrai cours de musique mais sans te le dire. Mais c'est ça, voilà. C'est pour ça que je suis très mauvais pour quelqu'un qui a pas de rythme, ben c'est parfait pour commencer, c'est un peu comme Portal qui te rend intelligent au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, quoi, tu vois, c'est un peu pareil. Moi perso, ça me fait rager, mais après c'est particulier. Moi j'ai relancé le jeu vraiment quand j'ai pour écrire l'article, et vraiment je me suis pris au jeu. Alors au bout d'un moment ça peut vite devenir agaçant, mais on peut y jouer par petites touches, et là on prend vraiment du plaisir avec il y a un côté complétion dans le jeu qui est juste inouï, quoi, pour débloquer donc toutes les médailles, pour le faire tous les niveaux imparfaits. Voilà, en forêt, c'est la croix et la bannière, sans compter des mini-jeux aussi qui sont excellents. Des petits jeux tout cons, genre un jeu de shoot qui reprend le jeu de rythme qui est aussi un jeu de shoot d'ailleurs. C'est un jeu à faire qui est trouvable à. Je regardais l'autre fois sur Amazon, le Rhythm Paradise est trouvable à 5€. Il est pas dispo en démat sur eShop, un truc comme ça. Je suis sûr. Non. Et du coup, ça fait partie de la même famille que le Rhythm Tengoku, là. Ouais. Oui, parce qu'en fait, Rhythm Tengoku, c'est le. Alors, Rhythm Paradise, c'est Rhythm Tengoku Gold, en fait. Voilà. En fait, Rhythm Tengoku, ça a commencé sur GBA en 2005, il me semble. C'était pas en décembre? Non, je déconne. Bref, oui, ça a commencé sur GBA, donc uniquement au Japon. Puis en fait, il y a le Gold qui est sorti chez nous après ça, quoi. Puis ensuite, il y a eu l'épisode Wii également, il y a celui sur 3DS, qui n'est toujours pas sorti chez nous. Oui, exact. Plus, Tengoku Plus, il me semble. Ouais, un truc comme ça. Vous m'avez perdu, là, les gars. J'ai déjà perdu. En fait, il y a un épisode GBA, un épisode DS, un épisode Wii et un épisode 3DS. Il n'y a pas eu d'épisode Wii U, d'accord. Ça risque pas. Mais pourtant, il se vend très très bien au Japon. Et même en Europe, du coup. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une grosse pub. Genre, Rhythm Paradise, en fait, celui sur DS, oui, celui sur Wii, non. Bah, celui sur DS, c'était mis Beyoncé. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'était pas, comment elle s'appelait, l'actrice française Marion Cotillard. La blonde, non, la blonde qui avait fait des pubs, je crois. Michel Larocque. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'était pour. Kawashima. Ah oui, Kawashima. Oui. Du coup, elle est plus intelligente depuis. Non, elle est moins vieille surtout. C'est vrai. Du coup, j'ai une question. Oui. Par rapport à Illibit, tu conseilles quand même Shkao, même si c'est pas la version Jap? Parce que moi, j'ai toujours eu des mépris entre guillemets, de dire ah putain, c'est pas Wendan. Moi, je trouve. Déjà, il y a Jamiroquai, donc c'est cool. Parce que c'est pas le même délire de Yankee Bosozuku à la Jap, quoi. Ah ouais, non, là pour le coup, ce sont des agents spéciaux, donc ouais. Façon Men in Black, qui arrivent dans une situation et qui viennent sauver le gars ou la fille ou le chat ou. Il y a beaucoup de personnages très cons à sauver. Voilà, bref. Moi, personnellement, je préfère la version occidentale parce que ce sont des musiques qui me parlent plus. Oui, que japonaise, forcément. Mais c'est pour le côté what the fuck et de voir des Kaira Jap. Oui. Mais. Voilà. Moi je préfère version occidentale, c'est de toute façon c'est marrant quoi qu'il arrive, moi je conseille les trois. Je suis extrêmement étonné qu'on ait toujours pas eu une version 3DS. De toute façon je dis de la merde, pardon, c'est pas des carrières, c'est des supporters je crois d'ailleurs au Japon. Oui, c'est des supporters, mais très... Des supporters, voilà. Bah, des Wenden, ça s'appelle. Ouais. Et le jeu qui était sorti là par Sega sur 3DS, tu sais le truc à Paris là. Oula, oui. Avec un sort de, pareil, de voleur ou... Ouais, alors je vois très bien. Il y avait une démo qui... Je sais plus quoi. Il y avait pas le nom Rhythm dedans. Enfin, je sais plus. Ouais, Rhythm Thief, c'est un truc comme ça. Ouais, ouais, ça a rien à voir, ça. C'est non, c'est pas de la série. Délire. D'accord. Rhythm, ah non, je veux dire, oui, c'est pas la même série, mais c'est pas le même genre de jeu. Pas non, style de rythme. C'est du rythme. C'est vraiment... Ouais, mais c'est pas aussi poussé, quoi. Donc, Rhythm Thief et les mystères de Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Mais apparemment, le jeu était pas mal. Comme Lautrec, le docteur Lautrec. Non, Lautrec, c'était mauvais, pour le coup. Ah ouais, il y a eu un espèce de retour des jeux de rythme. Vous donnez envie, ça a l'air quand même d'être des jeux bien hardcore sur certains points, quand même. Ah non, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais ça te permet d'apprendre à avoir un rythme, en fait. Ah mais ouais, mais Rhythm Paradise, c'est... un challenge et gameplay. Puis ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça se décompose toujours de la même façon, c'est-à-dire que t'as 4 stages différents, et le cinquième, en fait, c'est un remix des 4 autres. Avec une nouvelle musique, et ça c'est quand même génial quoi. Et les musiques sont folles. Ah ouais, les musiques sont géniales. Le mix de l'OST est tellement dur. Tu vas sur YouTube et tu peux te dire que tu regardais des musiques en tête juste à les écouter quoi. Vraiment, même sans avoir joué au jeu, c'est assez terrible. Alors, juste pour The Rhythm Paradise, donc celui sur DS, j'ai un petit bémol, c'est la précision du tactile. Qui est des fois, je trouve, enfin c'est peut-être moi, mais je trouve qu'on n'est pas assez précis, alors que sur GBA et sur Wii, c'est juste les inputs, c'est t'appuies sur A ou sur B, et ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve. Je pense que c'est par définition, c'est le fait d'avoir un stylet, du coup, t'as un prolongement du corps par le stylet, donc c'est moins précis que d'appuyer sur un bouton, quoi. En fait, voilà, c'est que si t'appuies sur un bouton, c'est comme le fait de juste taper avec le stylet, il n'y a pas de problème. C'est quand tu dois glisser que là tu perds en précision et du coup tu peux perdre un peu le rythme. Mais après c'est aussi une habitude, je pense. C'est clair. J'ai un petit truc à ajouter quand même sur Rhythm Paradise. Oui. La version française défonce. Ah oui, vraiment. Ah oui, clair. Vraiment, c'est trop bien. La version est extrêmement bien adaptée. Pour moi, c'est la meilleure version derrière la japonaise. T'en as j'ai testé écouté la version, je crois, allemande, anglaise évidemment. c'est clair pour moi. Enfin, la version française est juste en dessous de la version japonaise. J'aimerais bien entendre la version allemande. Ouais, c'est à entendre. Je crois que c'était allemand ou italien, un des deux, mais bref. Ouais, ça doit être un peu agressif. Enfin, ça doit être déroutant. Voilà, la version. Donc la langue de Goethe est tellement la plus romantique du monde que c'est sûr que. Ouais, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être en néerlandais. Oui, c'est vrai. Bref. Alors, du coup, Shkao, tu avais la parole, donc tu vas la récupérer avec. Tu nous as parlé de Yumi Cell, un petit web. Comment j'appelle ça, Webtoon? Oui, alors c'est sur. C'est sur Webtoon? Sur Webtoon, voilà. Et on appelle ça un Webtoon. C'est super bien. Donc, en fait, ce sont des BD qui sont publiés en ligne. Très souvent coréenne. On va dire que les Coréens ont beaucoup migré sur plateforme en ligne. Et donc, bref, Yumi Cell, ça raconte quoi? C'est un peu le film Vice Versa ou Inside Out de Pixar qui est sorti cet été. C'est-à-dire que Yumi est une employée dans une société qui fait va savoir quoi en Corée. Et comme toutes les personnes, elle a des émotions. Et ces émotions sont matérialisées par des petits personnages qui vivent dans sa tête et dans son corps entier en fait, puisqu'il y a par exemple des cellules qui s'occupent de faire battre le cœur, de réfléchir, de trucs comme ça. Et donc voilà, et donc on suit les aventures de Yumi et surtout de ce qui se passe dans sa tête. Et c'est à la fois très con et très inventif en fait. Surtout, enfin, ce qui frappe au premier coup d'œil, ce qui m'a pas forcé, mais ce qui m'a poussé à lire Yumi Cell, c'est son graphisme très très rétro. Moi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à, tu sais, les bonbons japonais. Connais les Milky, je crois. Je crois que c'est Milky, un truc comme ça. T'as une petite fille avec des couettes, je crois. Je sais pas si ça vous parle. Non, du tout. Non. Et un autre truc, c'est Kaiba du studio 4 degrés de Madhouse. Ah, c'est un dessin animé, ça? C'est une série? Ouais, de Masaaki Yuasa, celui qui a fait Mind Game. Enfin, bref. Pong. D'accord. Voilà. Je connaissais pas, mais je regarde rien. Moi, ça me fait penser à un truc, j'arrive pas à resituer, mais le visage rond avec les pommettes rouges, là, ça me fait penser à quelque chose et qui est, je pense, qui est plus dans notre culture, enfin, occidentale. Mais j'arrive pas à resituer, donc je vais te laisser. Ouais, c'est Milky, M-I-L-K-Y. D'accord. Je vais regarder ça. Ok. Et ok, Milky, ouais. Non, je connaissais pas. Et bref, Yumi Cell, c'est donc à nouveau du gag. Voilà, c'est pas très compliqué. Moi, on m'achète à l'humour, hein, donc. Et c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup d'idées parce que Vice Versa, pardon. Il avait, il me semble, 4-5 émotions qui étaient marquées. J'ai pas vu le film, donc je dis ça un petit peu au pif. Mais là, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de cellules qui ont toutes leurs spécialités, qui vont s'entraider, qui au contraire vont se mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, il y a beaucoup d'imagination. Moi, c'est très bien. Moi, je dis Yumi Cells, regardez-le, mangez-en. Et t'as dit c'était coréen, c'est ça, ou japonais? C'est coréen, oui, c'est coréen, tout à fait. Alors. Voilà, okay. Et de toute façon, ça se lit, on va dire, dans les prénoms, c'est coréen, quoi. Pas de soucis. Ouais, il est classe, ce design, moi, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup aussi. En plus, c'est lisible en ligne gratuitement, tout à fait légalement. J'ai mis le lien dans l'article. Ouais. Donc, allez-y. Puis en plus, ça se lit très vite, hein, donc regardez les 2, 3, 4, 5 premiers chapitres et vous verrez vite si ça vous plaît, hein. Donc toi, tu suis ça assidûment, c'est ça? Voilà, ça sort tous les... Alors, je crois que c'est le jeudi et le dimanche, ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça sort très régulièrement. Moi, je kiffe. Ce sont des grosses cases, hein, aussi, il faut préciser. C'est pas des petites cases, des petites bulles, c'est vraiment des très grosses cases. Et voilà, moi, j'aime. Et du coup, enfin, moi, ça me questionne, mais du coup, l'auteur évite ça, ou c'est après, c'est imprimé, c'est... C'est alors pas ça, j'en ai aucune idée. Idée. Enfin, ce genre d'édition, ce genre de parution de webtoon, parce que ça me dit quelque chose, hein, aussi. Mais ouais, je suis curieux de savoir s'il en vit, s'il fait ça entre guillemets par le plaisir, ou si du coup. Je pense qu'il vide ça, mais après, savoir comment la plateforme webtoon se finance, ouais. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Zergout. Parce qu'il y avait Last Man aussi sur Webtoon, un truc un moment. C'est... Non, c'était sur Dailytoon. Dailytoon, c'est une plateforme rien à voir. Française. Rien à voir. Mais oui, c'est de la lecture. Bon, dedans, j'ai écrit, c'est une série Webtoon. Bref. Si tu es pinaillé. Ok. Donc très bien, alors on va bientôt terminer cette présentation du calendrier de l'Avent avec le grand méchant renard. C'est bon, ça. C'est Toon Toon. Ouais. Oui, bah, je précise que Yao dit c'est bon parce que c'est une BD Delcourt et qu'il a bossé dessus. Et non, c'est juste parce que le mec, il a bossé sur Ernest et Célestine aussi. C'est vrai. Benjamin Renner, ouais. Qui est le réalisateur d'Ernest et Célestine et qui est l'auteur du grand méchant renard. Bah, qui reprend exactement le même design, c'est-à-dire que c'est super beau. Et c'est sous forme de BD, mais une BD sans cadre. C'est les paysages qui font les cases. Et c'est très très joli. Et ça raconte l'histoire d'un renard qui habite près d'un poulailler et qui en fait manque cruellement de charisme, de puissance, de tout en fait. Et à chaque fois qu'il essaye d'aller croquer une poule, déjà il a de la chance parce que comme personne n'a peur de lui, tout le monde le laisse passer. Il y a juste le chien de garde qui le prévient, si tu fais des dégâts, tu répares. Et du coup, il arrive toujours devant les poules, et les poules, elles se laissent pas faire. Du coup, elles tabassent. Et il repart toujours avec un panier de navets, donné par le cochon, parce que bon, faut bien qu'il mange quand même. Et vient un jour où le grand méchant loup, qui habite lui aussi juste à côté, vient le voir et essaye de lui enseigner un peu ses techniques, sa façon de faire peur, notamment à ce moment-là, il y a une scène avec un moineau qui est à mourir de rire, où il essaye de faire peur au moineau, mais le moineau, il lui répond quoi qu'il sait pas à face de paix, et du coup, il y a une scène hyper drôle qui suit, et donc le loup se rend compte que il arrivera à rien avec... Il n'arrivera à rien avec ce renard. Donc il lui propose, comme personne ne l'empêche de rentrer dans le poulailler, d'aller chercher des œufs, de les ramener, de les couver et d'élever les poussins pour qu'ils grandissent et puis qu'ils se fassent un festin tous les deux ensemble quelques semaines après. Et du coup, à partir de là... c'est l'aventure bascule et le renard récupère les œufs, ils éclosent, sauf que forcément les poussins, la première chose qu'ils voient c'est le renard, et du coup la première chose qu'ils voient c'est ce qu'ils considèrent comme leur mère. Du coup ils s'écrient maman, et le renard se retrouve avec un dilemme, c'est il faut les élever parce que faut qu'ils grandissent, il va pas manger juste les poussins comme ça, mais de l'autre côté il commence à s'y attacher. Et du coup, à se poser des questions, est-ce qu'ils vont pouvoir les manger? Et du coup, en plus, il les élève comme des renards, donc les poussins qui essayent de manger comme un renard et de faire peur comme un renard, c'est plutôt très très drôle. Et c'est les dialogues sont croustillants, et c'est hyper vif, il y a des répliques, ça va du tac au tac, c'est très très drôle. C'est hyper joli et en plus c'est très mignon, avec une jolie fin et le grand méchant renard, il faut le dire quoi. Et en plus il y a une édition Noël qui sort là. Exact. 50 pages. 50, plus, alors, ouais, 58 pages, et en fait c'est un épisode spécial Noël qu'il avait mis sur son blog il y a un an. Et du coup, l'édition ressort avec un format hardcover avec un dos toilé. Ouais, dos toilé. Qui est très très joli d'ailleurs. Et avec un très bon papier. avec un très bon papier. Et du coup, ouais, c'est une belle édition. Et il y a aussi un Turbo Média aussi pour les curieux. Il y a le Turbo Média que j'ai mis en lien dans l'article, qui est très difficile, parce que en fait on incarne le renard qui doit essayer de s'infiltrer dans le poulailler pour manger des poules. Et il y a aussi il va y avoir une série animée dont on a vu un premier teaser en anglais. Où c'est le renard qui passe un casting pour jouer le grand méchant renard, et ça sera 3 épisodes de 26 minutes. C'est bien, hein. Je pense pas qu'il s'attendait à tout ça, mais c'est chouette. Non, ouais, et du coup, ouais, je pense que ça allait assez vite, mais c'est cool, et du coup, il y a un design très proche d'Ernest et Célestine. D'ailleurs, c'est le studio qui a réalisé Ernest et Célestine qui va réaliser... Le grand méchant renard, donc on peut s'attendre à du très bon. Ah, c'est quoi? C'est une série? C'est un film? 3 épisodes de 26 minutes, en fait. Juste avant. Il a pas l'air de suivre, hein, Romain, je sais pas. Non, mais... ça m'arrive de décrocher. Il était dans un tunnel. Il est trop occupé à bouffer son micro, je crois. C'est faux. Non, mais il se concentrait pour Kid I Like. Ouais, Tuntun, tout à fait. J'ai une question sur le renard là. Donc j'ai fait le turbo média et j'ai remarqué que c'était très comment dire bibi picoyade dans l'esprit, si tu veux. C'est le renard qui tente un truc, sa foi dans ça le turbo contre lui et ouais, dans le turbo média, si c'est ça. C'est pareil dans la BD. C'est pareil les 5 premières pages. D'accord. Enfin, un petit peu plus, mais non, après ça se concentre vraiment sur le renard qui élève les poussins. Le D'accord. Gros du bouquin, c'est ça. Et c'est très très bien aussi. Et le design a légèrement changé entre le Turbo Média et parce que je crois que c'est pas lui qui a réalisé entièrement le Turbo Média, je veux pas dire de bêtises. Et par rapport au teaser, il n'existe pas en français en fait. C'est qu'en anglais, non. C'est ça? Non, il est qu'en anglais, je l'ai trouvé qu'en anglais. Ouais. C'est dommage. Mais bon, il y a aucun doute sur le fait qu'il sorte en français. Ah ouais, par la ça suite. vise Mais l'international. j'aime beaucoup la voix anglaise du renard. Je trouve elle est très douce et très. Ça fait très loser en fait. Non, totalement. Tout comme tu dis, c'est excellent. Moi, je trouve ça très con aussi, l'humour. C'est mortel de le voir tellement galérer, le renard. C'est excellent. Les dialogues sont super. Ouais. Et vraiment balèze. C'est très très bien écrit. On peut réveiller Romain maintenant. Oui, merci. Merci de penser à moi. Donc on va passer au 21 décembre, donc c'était hier. On enregistre. Ah, parce qu'on dit quand on enregistre. Bah c'est fait. Où je vous ai parlé de Kid Luck. Alors Kid Luck, c'est un manga de Yuko Ozada. Yuko Ozada, on a beaucoup parlé parce qu'on lui avait même consacré un podcast il y a quelques temps de ça. On revenait sur son œuvre, c'était au moment de la sortie de Rodney Burst. Du dernier tome de Rodney Burst même, je crois, de mémoire. Et c'était, donc voilà, c'est un auteur, alors, pour parler de Kid Luck, en fait, Kid Luck, c'est un sujet qui commence assez difficilement parce que c'est un, on suit une petite frappe, Kinjiro qui ne s'est parlé qu'avec ses poings et qui est pour, et dont la meilleure amie se fait agresser dans la rue et du coup elle veut plus sortir de chez elle à cause de cette peur à cause de la peur d'être de nouveau agressé. Du coup lui va essayer de faire tout pour la faire changer quoi, pour qu'elle ressorte, pour qu'elle soit comme avant cette agression. Et il doit décider, comme elle est fan de l'humour, en plus de l'humour japonais, parce qu'ils sont très très calés, il y a des émissions juste basées là-dessus là-bas. Il va décider de participer à des concours d'humour, alors que c'est juste à l'opposé de son caractère et de sa façon d'apprécier ça. Dès lors, on va le voir s'améliorer par rapport à ça, par rapport à ce but. Donc c'est assez court, hein, c'est 3 tomes, mais qui sont vraiment très denses. Kid Luck, ça se lit très bien, toujours, c'est toujours aussi joliment dessiné, avec des doubles pages aussi assez impressionnantes en termes de graphisme. L'adaptation française est une réussite parce que c'est très très compliqué de faire quelque chose, d'adapter, on va dire, l'humour japonais qui est si particulier, qui est si spécifique avec ses doubles sens. Voilà, déjà la langue japonaise de base a des doubles sens, mais en plus l'humour permet d'amplifier tout ça. Et donc l'adaptation est vraiment très très réussie chez Kihun. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Que dire de plus que c'est un manga qu'il faut lire, hein, comme ces derniers mangas sortis en France. Ouais, t'en as déjà parlé dans l'émission spéciale. Tout à fait, notamment Run the Burst, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai un truc à rien à voir, mais j'ai un petit thé, j'avais trop envie de lire Run the Burst, et en fait, c'est le même auteur. Donc, du coup, tu conseilles aussi Run the Burst? Ah oui, complètement. Oui, absolument. Donc, c'est les fous du volant, en fait, mais à la sauce. Japonaise. C'est ça. Dans l'esprit, c'est du shonen des années 80, mais avec un design très moderne. Et enfin, quand je dis shonen, ça me fait penser à par exemple du Yaiba ou du Dragon Ball, au début de Dragon Ball. Ouais. C'est très avec de l'humour, du coup. C'est très c'est drôle, c'est c'est plein d'aventures, et c'est vraiment très très cool. Et en plus, c'est court. Et le dernier tome, c'est un tome d'anthologie, quoi. Dire, s'il y avait qu'un tome à lire, ce serait le dernier tome parce qu'il est juste. Et tous les noms des personnages, dingo, c'est des pièces. Des pièces de, d'un pistolet. Trigger, je sais plus qui est l'autre. Boulette, il y a. Enfin, c'est plein de noms comme ça. Et t'as plein de personnages, cool. T'as aussi pas mal de références. T'as un personnage qui ressemble énormément à Lone Wolf and Cub. Avec où il est avec son fils oui. dans sa voiture, dans sa charrette, voilà. Donc vraiment c'est à conseiller quoi, comme Kid I Lucky d'ailleurs. Donc, vendu, vous m'avez bien vendu. Hein. Ouais. Et c'est pas chez Delcourt, hein, donc tu seras obligé de l'acheter. Non mais c'est chez Kiun, c'est ça? Oui. Ouais, c'est chez Kiun. Ouais, j'achète mes bouquins, monsieur. Chez je sais bien, je sais bien. Kid I Lucky, c'est vraiment très très bon aussi. Et d'ailleurs j'ai acheté le dernier Vinland Saga, ça n'a rien à voir, mais sous vos conseils d'ailleurs. Donc on est de bons conseils. De bons conseils. Sauf hein. Pour Bonnie Poon Poon. Mais... Non, ça c'est parce que tu ne l'as pas. C'était pas encore assez vieux pour l'apprécier à ce juste valeur. C'est ça. mais ouais. Et du coup, c'est quoi son nouveau projet à l'auteur? Parce que vous savez pas. Il a deux projets, je crois, qui ont pas été édités chez nous. Et pour l'instant, en fait, c'est un auteur qui se vend absolument pas en France. Oui, d'accord. Du coup, c'est un peu dommage parce que c'est un très bon auteur. Il y a un truc aussi qui est sorti à l'époque, c'était Taifu, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Toto. Et c'est un garçon avec un chien qui part à l'aventure, et en fait le chien a des pouvoirs spéciaux, et c'est un mélange de un espèce de remake de, ah de ouais, je d'Alice quoi, au pays des merveilles avec qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme influence, enfin il y a plein d'influences de différents contes. C'est super péchu, c'est super drôle, mais il y a que 5 tomes, il a été arrêté parce que pas assez de succès. Et du coup on a que 5 tomes et c'est dommage parce que c'est dans la même veine que Run the Burst et enfin pas Kid I Lucky, mais du coup c'est vraiment du pur shonen d'aventure et c'est très très cool. Ok. Donc oui, je viens de citer pareil la légende de Rao. Oui, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Bah, pourquoi tu l'as pas acheté alors? Ouais, parce que je connais assez mal l'univers de Ken, donc je savais pas si je pouvais le lire ou pas. C'est pour ça que je voulais un peu ton avis, mais comme tu... Non, mais du coup, j'ai peut-être m'intéressé à ça. Ça a l'air sympathique. Ouais, et c'est très beau. Enfin, ouais. Moi, j'adore le style. Il a des compositions au niveau des lumières. Dans Kid I Lucky, il y a certaines planches qui sont incroyables. Par contre, les coups sont pas tip-top, mais bon. De Rao, je parle. Ah, ouais. Je regarde. Ouais, parce que fais gaffe à ce que tu dis, quand même. Non, j'ai regardé les coups, ça donne... Ouais, bref. Ouais, non, mais Run the Burst, il faut absolument que je... Ouais, c'est ouais. En combien de tomes, ça, déjà? 8 tomes. 8 tomes, d'accord. 7 tomes, non? 8 tomes, pardon, excuse-moi. Oui, en fait, ça va, il fait pas des séries longues, l'auteur. Non, il a pas... non. Bah, Run the Burst, ça doit être sa plus longue, parce qu'après, c'est des... Magara, Gear Girl Rally, je sais plus, je crois que c'est comme ça, CSI, c'est des one-shot ou des trucs en deux tomes. Mais c'est des trucs qui sont un peu plus dispensables parce qu'un peu plus anciens en fait. En même temps, ouais, c'est ses premiers donc. Ouais, enfin, c'est pas aussi abouti que. Je vous propose de passer à la suite. Oui, suite. Avec donc, tu veux nous parler de quoi? Une suite. donc pour le 22 décembre, un article. Alors là, on change complètement de sujet et d'univers et de rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, je galérais un peu à trouver des sujets. Et du coup, j'ai pensé à. Alors je sais pas si Yao va pouvoir m'aider, mais en fait y a la NBA chaque année, il y a donc le NBA, championnat national de basket américain, et chaque année il y a un week-end spécial au mois de février qui est le All-Star Weekend où il y a les meilleurs joueurs de la ligue qui s'affrontent dans un match. Et il y a plein d'autres événements, notamment un concours de dunk. Et là, en 2015, il y a eu certains joueurs qui se sont présentés, notamment un jeune rookie, donc c'était la première année en NBA, Zach LaVine, qui est arrivé, qui en fait qui lui sa vie c'est le dunk, il a grandi avec Space Jam, c'est son film culte, et du coup il revendique clairement, et son donc c'est le concours, c'est il y a deux dunks à faire pour se qualifier pour la finale, et en finale il y a deux autres dunks, et en fait le premier dunk il l'a fait avec le maillot de Jordan dans Space Jam, avec le Looney Tunes devant et le 23 derrière, et en fait il a fait deux dunks absolument monumentaux. Et donc en fait il y a cinq jurés qui donnent une note sur 10, et sur les deux dunks il a eu 50 points, ce qui s'était jamais vu avant. Et ces deux dunks, à chaque fois que je les vois, je les ai encore regardés tout à l'heure, à chaque fois que je les vois des frissons, parce que ils sont juste parfaits techniquement, ils sont ils, en fait ils s'envolent. Il faut savoir que je crois qu'il fait 1m91, un truc comme ça. Il fait pas plus, hein. Je croyais qu'il était Non, et du coup plus grand. il est pas très grand, mais il a une détente incroyable. Et en fait, quand on voit, c'est une atmosphère particulière, le concours de dunk, parce que au moment où il fait son dunk, il n'y a aucun bruit, la salle est silencieuse. Et en fait, donc il s'élance, et il a une telle détente qu'il y a un espèce de moment de flottement où t'as l'impression qu'il est en apesanteur, qu'il monte, il peut plus redescendre. Et là, il fait son dunk, il claque son dunk, et il y a tout le monde qui explose, la salle explose, et il y a une ambiance incroyable. Et sur ses deux premiers dunks, techniquement c'est parfait, en plus il est réussi du premier coup. Et à chaque fois que je les vois, bah voilà, ça me fout les frissons. Et pour moi c'est la grande force du sport. Chaque fois, il y a beaucoup de gens qui disent, parce que je regarde beaucoup de sport à la télé, et les gens ils me disent, mais ça sert à rien, faut faire du sport en vrai. Le sport à la télé, c'est pourri, c'est nul, quoi. Et en fait, moi, ça me procure des émotions incroyables, autant d'émotions que quand j'en fais. Et du coup, bah, ces moments-là, ça fait partie de ces trucs-là. Et voilà, moi, ça me donne beaucoup d'émotions. C'est beau, C'est c'est beau, beau. hein? Non, mais faut les voir. Il y a la vidéo dans l'article. Faut les voir au moins une fois pour se rendre compte du truc, et surtout de la performance du gars, parce que techniquement c'est incroyable. Ok, bah moi je vais terminer parce que je vais pas vous révéler ce que je vais faire pour le 24. Hein. Je vais terminer avec ce qui va sortir aujourd'hui même, parce qu'on est mercredi. C'est donc un papier sur Katamari Damacy, qui est quand même la série de la joie de vivre. N'est-ce pas, Skao? Très fan. Parmi Je les suis très bizarreries fan. sorties du Japon, on a donc Katamari Damacy qui, dont le principe est finalement excessivement simple, puisqu'il faut juste faire la plus grosse boule possible Des en objets. accumulant des objets que l'on pourra récupérer. Alors, en respectant évidemment une hiérarchie en termes de la taille des objets, mais qui vous permettent de faire des choses assez extravagantes dans un délai imparti. Alors, ça va être des challenges assez différents à chaque fois. Ça peut être des challenges en termes de temps, des challenges en termes de taille de la boule. Mais vraiment, voilà, c'est un bon délire. Alors, en plus, ça ne se joue quasiment qu'avec les sticks. Sur PS2, PS3, Xbox 360 également. PS Vita aussi. Vitaille aussi, oui, tout à fait, tout à Ouais, fait. mais je crois que c'était pas une bonne version de la Vita. Je sais pas. De ce que C'est j'en possible, entends, c'est pas pour c'est troller, hein, possible. non, c'est vrai, c'est genre, apparemment c'était pas. Bah, les sticks Non, ne seraient pas top par rapport à ça, quoi. Et même, oui, la version serait pas. Après, quand tu prends par exemple la version, moi j'ai la version Wheel of Katamari sur PS2, et il y a une autre version sur Xbox 360. T'as souvent les mêmes stages, les mêmes. c'est particulier, c'est vraiment la version Xbox 360 qui est une compile, on va dire. Donc Ouais. ouais, c'est particulier. Après, il y a aussi une version iOS, hein, faut savoir. Oui. Oui, il y a aussi Nobby Nobby Boy dans le même esprit. Ça, c'est encore plus barré, quoi. C'est du créateur, mais du même créateur, mais c'est encore différent. Manger des trucs. Enfin bref, voilà. Donc pour parler de Katamarana aussi, donc je vous parlerai le teasing un peu. Je vous en parlerai plus précisément demain. C'est à voir, à jouer surtout, parce que c'est vraiment un jeu. Demain, un jeu... en fait, ce sera déjà publié quand on mettra le podcast. Mais... Tout à fait, mais c'est important. Pour ceux qui... Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà. Et puis pour la sortie du 24, je vous laisserai ça, le mystère, hein, parce qu'on va changer, on va sortir du cadre culturel, hein, même si ça peut être une sorte de culture, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Pour vous accompagner jusqu'au moment où vous ouvrirez vos cadeaux. C'est mignon. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter, messieurs? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ou dont vous souhaiteriez parler qui pourraient rentrer dans ce cadre, hein? Ouais, moi j'ai bien envie de donner mes dauphins, mes runner-up, comme on dit en anglais, pour les jeux et les œuvres de la joie. Donc je conseille très fort Elite Beat Agents, forcément. le jeu donc de société Ouga Bouga dont j'ai pu parler plus tôt, vraiment très cool, vraiment très marrant, et comme de toute façon dans tous les trucs où je parle des choses que j'aime bien, je dirais Grandia, parce que c'est un esprit d'aventure absolument fabuleux. Non, vraiment vraiment, c'est un jeu à essayer, quoi. Voilà. Tu est-ce que tu avais vu d'ailleurs le making of qui était passé sur Arte et qui est disponible sur YouTube? Ah, pas du tout. Il y a un making of sur Grandia? Ouais. Sur Arte? Alors, qui était passé à l'époque, quand tu regardes sur la vidéo sur YouTube, c'est une capture de Arte, en fait. C'est très étonnant, c'est vieux, c'est très vieux. Hein. Je te retrouvais ça, mais à chaque fois, je sais pas si tu avais justement envoyé le lien, mais du coup, je sais qu'à chaque fois, tu as un amour très fort pour Grandia, donc voilà. Alors moi, je vous conseille The Wonderful 101 sur Wii U, le meilleur jeu de la Terre, créé par Hideki Kamiya, l'auteur de Bayonetta et Okami, dont on a parlé. Donc en gros, c'est un beat'em all avec l'héritage de Bayonetta sur des super-héros japonais et des Sentai qui se bastonnent entre eux. Et c'est passé inaperçu, comme d'habitude, vu que c'est sur la Wii U. J'ai pourri. Hein. C'est sur la Wii U et c'est Platinum Games. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le combo déjà. Magique, quoi. C'est tout. Ah, voilà, vous avez tout dit. Donc achetez-le en masse, c'est tout. Et voilà. Et puis One Punch Man aussi, n'hésitez pas. Déjà l'anime il défonce et puis le manga il arrive en janvier, donc de Yusuke Murata, l'auteur de High Shield 21. Le dessinateur. Oui, pardon, ouais. Les dessinateurs, l'auteur c'est... Scénarisé par Eiichiro Inagaki. Ah là, bon, ouais. Bref, oui, vous avez raison. Bougez sur les mots. Et Yuzuke Murata, en fait, qui ses dessins servent de storyboard pour l'animé. C'est ça. C'est tout à fait. En fait, il y a même son manga qui est carrément mieux animé que l'animé, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on peut trouver des gifs sur internet de compilations de ses planches qui font une scène et en fait, ouais, c'est ça. C'est mieux que l'animé parce que les couleurs sont meilleures. Enfin voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé le dernier, mais apparemment ça bastonne bien aussi. Je sais pas, vous l'avez regardé ou pas? Le dernier épisode? Non, j'ai pas regardé l'animé en fait. Le dernier de la saison. Ouais. Allez, vas-y, fonce, hein, Shkao, c'est de la bombe. Hein. Je suis sûr que t'as vu l'escalade. Bah. Je lis par intermittence. En même temps, j'ai l'impression que ça sort par intermittence aussi, donc. Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que Yuzuke Murata, il a une chaîne Ustream. Ah ouais, c'est où le mec dessine en direct et bon, c'est un truc de fou. Ça fait mal. Ça fait mal. Et en fait, des fois, il se pose des challenges. Genre, une fois, je crois que c'était il y a un an, un truc comme ça. Il s'est dit, je vais faire un chapitre de 100 pages. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Il n'a pas réussi, mais. Ouais. Mais voilà, et du coup, c'est pour ça, des fois, ça sort pas de manière régulière. Cela dit, c'est peut-être un peu plus régulier maintenant, parce qu'il est pré-publié dans le Square Jump ou le Young Jump, je sais plus. Ouais, je crois. Je crois que c'est le Young. Et du coup, c'est peut-être un petit peu plus régulier maintenant. Bon, bref, c'est vrai que c'est un ouf. Hein. Ouais. Ouais, c'est... C'est un tueur. Et moi, juste pour... Oui. Rajouter, J'avais pensé à Calvin et Hobbes, qui est un comic strip incroyable, et je crois que j'en avais parlé dans mon compte rendu d'Angoulême en début d'année dans un bimestriel. Puisque c'était l'invité d'honneur de l'édition 2015 d'Angoulême, du Festival International de la BD d'Angoulême. Et donc Calvin et Hobbes, c'est un comic strip complètement fou. J'arrive pas à le décrire, c'est pour ça que j'ai pas fait d'article. Parce que j'ai beaucoup de mal à en parler. Mais en fait, faut lire, c'est tout simplement, c'est indispensable de le lire. Et je voulais parler aussi, parce que j'ai pas du tout parlé de jeu dans ma sélection. Juste un jeu que moi me fait beaucoup de bien, c'est Picross. Je passe des heures dessus et j'ai hâte de retrouver le Picross 3D 2 qui va sortir, j'espère, un jour en France. Ah, vous avez créé une secte, j'ai l'impression, et vous êtes nombreux à être Mais ouf de Picross, Picross. en fait, le Picross, faut jamais essayer. Parce que si t'essayes, c'est fini. C'est trop C'est. bien. Ouais. Et du coup, tu passes des heures et tu vois pas le temps passer. Et le seul truc qui est mauvais dans ce jeu, c'est que tu te dis, mince, il est trop tard. Voilà. Okay. D'ailleurs, je sais pas si t'as essayé le Pokémon Picross, mais c'est très mauvais. C'est horrible. C'est horrible C'est parce nul. que c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans un free-to-play. Tout à fait. Pour débloquer un truc, il faut que tu joues 30 jours de suite au même truc. C'est une catastrophe. Tout à fait. Bah, ça aurait été mieux d'être un jeu complet vendu tel quel, quoi. Mais... Ah ouais, moi je l'aurais acheté sans problème et là c'est j'ai dû jouer le temps de plus être, enfin d'être bloqué et puis après j'ai laissé tomber. Et d'ailleurs, ce serait quoi vos conseils d'achat pour des jeux pour Noël? Pour, par Des rapport à jeux genre, par rapport à la Xbox et... Je ne joue plus à ça, monsieur. Je ne Si joue plus. Je ne joue plus à ça. Vraiment, perso, c'est des consoles, il n'y a aucun jeu pour moi, hein, mais. Ah ouais, non, Il mais moi, n'y bah, de a toute aucun façon, jeu moi, dessus. Hein. j'ai pas d'Xbox One, j'ai pas de PS4. Bah, pareil, pas J'ai de une problème. Wii U, parce que forcément, la Wii U, c'est bien. Non, je sais pas. J'ai acheté Fast Racing League, je le conseille pas forcément. Mais je pense que c'était pas la question. Non, pour les possessions. J'aimerais bien m'acheter Xenoblade, mais il y en a plus. Ah, ça y est, c'est en rupture. Version collector. Ouais, non, mais version collector à Ouais, mais 80 euros, c'est. c'est Ouais, pas la peine. mais si tu l'achètes, t'auras plus de temps après. Mais j'ai déjà plus le temps. Voilà, c'est compliqué. Très bien. Une des choses à rajouter, messieurs? Toi, Romain, t'as pas d'œuvre en plus à rajouter. Si, j'aurais dit Gaston Lagaffe. Et ils ont Ah, sorti quelque chose? Ils ont sorti une intégrale en fait, qui a pas l'air de marcher des masses. C'est étonnant. Ouais, c'est. Non, c'est pas spécialement étonnant. Bah, ça cartonne, non? Je Non, croyais que parce qu'il y a eu c'était. tellement d'éditions auparavant que moi ça m'étonne pas en fait. Moi, Ah, d'accord. je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est Hachette qui a fait une édition, tu sais, en fascicule. Enfin, où toutes les 2 semaines, tu reçois un volume. Et c'est plutôt pas mal pour un truc de ce genre-là. Et puis Gaston, ouais, c'est immortel, Voilà, quoi. très bien, super. Non mais oui, c'est partie des choses qu'il faut lire et c'est cool quoi, c'est toujours très drôle en fait. Et ça peut être très caustique aussi en plus. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. On arrive au bout, ouais. Tout à fait, au bout du bout. Ouais, Ben on je vous fait plus longtemps propose qu'on avait pensé, mais. de vous dire à très vite. De toute façon, on va se retrouver très vite parce qu'on va se retrouver début janvier. Tout à fait, avec Yao Avec une pour le milieu. rétro 2016, logiquement, prévue comme telle. Donc voilà, bah, si vous avez, bah voilà, que dire de plus? Sinon, profitez bien de la liste du calendrier de l'Avent que vous avez fait parce qu'il y a même pas mal de choses à faire et à voir. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous dit à très vite, à bientôt. Hein. Salut, Salut. bonne Au fête. revoir. Ouais, joyeux ciao. Noël. of my time. And the living is easy. Daddy and mommy standing by.